Les trois actes du sexe faible se passent à Paris, à l'hôtel Ritz. Les horaires de la télévision nous obligeant à vous donner en 2 heures une pièce qui dure bien davantage, je vous présenterai simplement, en accord avec Madame Édouard Bourdet, les personnages du premier acte dans de simples apparitions. Voici, dans son petit salon de l'hôtel, Madame Leroy Gomez et sa famille. Elle a 4 enfants. Ses 3 fils étant beaux, elle n'a donné à chacun d'autre but dans la vie que d'épouser une femme riche. Sa fille, Lily, elle, a créé une maison de couture. L'aîné de ses fils, Manuel, ne lui apporte que des satisfactions. Il a 3 enfants, sa femme attend le 4e, sa situation de père de famille capitaliste est assurée. Le second, Philippe, a fait un mariage d'amour avec Christina. Heureusement, il se trouve aussi qu'elle a une grosse fortune en Argentine. Cependant, au bout de 3 ans, Philippe s'est lassé, et d'elle, et de son argent. Il était pris d'une jeune Russe, Luba, et Christina a quitté le domicile conjugal pour se réfugier, où? Mais au Ritz, naturellement. Le 3e fils, Jimmy, le plus insouciant, est encore célibataire. Mais il revient de Pau, où sa mère l'avait emmené pour essayer de le marier avec une Américaine dont les dollars ne se comptent plus, Dorothy Freeman. Pourtant, dès le matin de son arrivée à Paris, Jimmy retrouve Nicole, une jeune fille qui travaille dans la maison de couture de sa sœur Lily. Tu as pensé à moi là-bas? Ah oui. Oh, tu ne m'as pas écrit souvent. Tu t'es amusé? Penses-tu? Et ton Américaine, elle est toujours aussi amoureuse? Mais non. Menteur. Oh, je le sais, va, pourquoi tu as été là-bas? Eh bien, si tu le sais, pourquoi est-ce que tu me poses des questions idiotes? En tout cas, si ça peut te faire plaisir, je me suis rudement embêté. Pendant cette courte entrevue, Madame Leroy Gomez recevait dans sa chambre son fils Manuel. Le voyage à Pau avait été coûteux. Elle essayait, mais en vain, de lui emprunter de l'argent. Voici Madame Leroy Gomez, suivie de son fils Manuel et de 2 de ses petits-enfants. Papa, on prend un taxi? Non, on ne va pas prendre un taxi, on va prendre le métro. Nous ne sommes pas assez riches, nous, pour prendre des taxis. Ah, il n'a pas changé, celui-là, il est toujours aussi radin. Dis donc, comment vas-tu faire, puisque Manuel n'a rien voulu savoir? Ah, ça... Bah, demande à Clarisse, voilà tout. Oh, Clarisse. Quoi? Bah, tu sais comment elle est. Et puis, elle va trouver que je lui demande trop souvent. C'est au tour de Lily, maintenant, de venir voir sa mère et son frère. Je suis en plein dans ma collection d'été. Ah ben alors ça garde les affaires. Ah, ça commence. 5 millions de commandes le mois passé. Bon, mes enfants, je vous aime bien, mais il faut que je retourne travailler. Hein? Bah. Et moi, Jimmy? Oui? Si je demandais à Lily plutôt qu'à Clarisse. À Lily? Ben oui, puisque ses affaires marchent aussi bien. Ah non, moi je trouve que c'est beaucoup plus normal de demander à Clarisse. Tu crois? Ben elle est là pour ça, non? Si papa l'a épousée, c'est pas pour son plaisir, je suppose. Tiens, la voilà. Car Clarisse est la seconde femme d'Ignacio Gomez, mort depuis quelques années. C'est d'ailleurs Isabelle Leroy Gomez qui, ruinée par les mauvaises spéculations de son père, avait fait faire ce mariage. Elle avait trouvé naturel de se sacrifier pour ses enfants d'abord, puis pour son mari, qu'elle avait habitué à un luxe qu'elle ne pouvait plus soutenir. Nous nous étions épousés parce qu'il était beau et que j'étais riche. J'étais devenue pauvre et il était toujours beau. Je n'avais qu'à disparaître. Je ne te voyais pas aimer devant lui quand nous nous trouvions ensemble. Je savais très bien qu'il n'avait qu'un geste à faire pour que tu tombes dans ses bras. Eh bien, c'est moi qui lui ai conseillé de le faire, ce geste. À cause de mes dollars, sans doute. Dame. En effet, les dollars de Clarisse servirent à entretenir non seulement Ignacio, mais Isabelle et ses enfants. Attentive à tout ce qui arrive à ceci, c'est d'ailleurs Clarisse qui a précipité le retour à Paris d'Isabelle et de Jimmy en télégraphiant qu'il se passait quelque chose de grave entre Philippe et Christina. Ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Philippe a une maîtresse. Oui, naturellement. Quoi, naturellement? Enfin, je veux dire, c'est ce que je craignais. Et Christina le sait. Ah. Et elle veut divorcer. Non. Si. Tina? À Londres, elle l'adore, voyons. Tu imagines toujours que tes fils sont impossibles à remplacer. Il y a d'autres hommes à Paris. Mais aussi bien qu'eux, tu sais, il n'y en a pas des tas. Mais sur les aventures de son second fils, Philippe, Isabelle, évidemment, ne peut s'adresser qu'à Antoine. Antoine, le maître d'hôtel du Ritz. Mieux que cela, l'éminence grise de ce lieu saint de la société cosmopolite. Bonjour, Antoine. Comme c'est gentil à vous de vous être dérangé. Je vous suis très reconnaissant. Mais ce n'est rien, madame. Et Antoine expliquera à madame Leroy-Gomez, indignée, que son fils Philippe, négligeant les préceptes qu'elle lui a inculqués, entretient une jolie russe, Louba, et que le jeune et trouble Carlos Pinto, toujours en quête du beau mariage, tourne autour de Christina. Madame Leroy-Gomez supplie Antoine d'être son ambassadeur auprès de sa belle-fille pour obtenir qu'elle descende lui parler. Mais c'est d'abord Philippe qui arrive chez sa mère et répond à ses reproches. J'ai pas abandonné Christina, c'est elle qui est partie. Naturellement, elle est partie, après ce que tu lui faisais supporter, la malheureuse. Qu'est-ce qu'il aurait retenu, puisque tu n'as même pas su t'arranger pour avoir un enfant? Combien de fois te l'ai-je dit, ça? Tu te souviens? C'est la précaution la plus élémentaire dans ces cas-là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai jamais eu l'esprit de famille, moi. Madame Leroy-Gomez essaie de persuader Christina que Philippe l'aime toujours et lui reproche de porter un trop vif intérêt au jeune Carlos Pinto. Alors là, permettez-moi de sourire. Il faut être naïf pour croire à l'amour de Monsieur Pinto. Et pourquoi je n'y croirais pas? Est-ce que je n'ai pas cru à l'amour de Philippe il y a 300? Mais comment osez-vous comparer l'amour de Philippe avec celui d'un individu de cette espèce? Un aventurier sans moralité, et presque contrefait. Non. Ouf. Je ne dis pas que Carlos, pour le physique, il est parfait. Mais... Ce Carlos Pinto devient un concurrent sérieux pour le fils Leroy-Gomez, car il ne pense qu'à profiter légalement de la fortune de Christina. Ma, c'est bien entendu que nous allons nous marier ensemble. Pourquoi? Christina, est-ce que tu te figures que je peux aller voir ma mère avec toi sans être mariée? Et pourquoi non? Pourquoi non? Oh, Madonna. On voit que tu ne connais pas à ma mère. Serait mieux pour elle de me voir mort que vivant dans les concubinages. Comment Madame Leroy-Gomez va-t-elle résoudre tous les problèmes que lui posent ses enfants? Mais grâce à l'appui d'Antoine, à qui elle voue une profonde gratitude. Merci, Antoine. Merci. Mais ce n'est rien, madame. Et ce sera toujours Antoine qui, jusqu'au bout de la comédie, prodiguera conseils et bons offices à la famille Leroy-Gomez. Au début du deuxième acte, que vous allez voir maintenant, nous sommes dans les salons de l'hôtel vers 10 heures du soir. Monsieur et madame prendront du café? Si, 2 cafés, por favor. Pas de liqueur? Quieres? No. No, gracias. Deux cafés. Coffee, sir? No, thanks, not for me. I'll have a scotch on the rocks. Yeah. And cigars. You want cigars? No, no, thanks. Well, yeah, I'll have a cigar. Very well, sir. Never drink coffee. Mm-hmm. Quanto tempo piantata sta sonnerista con tua suegra? Combien de fois je t'ai dit de parler français? C'est pas utile que tout le monde ici comprenne ce que tu dis? Tu veux m'empêcher de saluer ma belle-mère quand moi je passe à côté? La saluer tu peux, mais que tu souris, ça c'est inutile. Que moi je t'empêche de sourire avec Lily? Moi j'ai souri avec Lily? Pendant tout le dîner qu'elle t'a fait de l'œil. Oh. Ce n'est pas de la faute s'il m'a fait de l'œil. Est-ce que je peux l'en empêcher, moi? Pas une fois que je l'ai regardée. Tu peux la regarder tant que tu veux. Mais moi, je vais dire bonjour à ma belle-mère si cela me plaît. Alors, quand nous serons mariés, tu vas continuer. Quand nous serons mariés, je verrai. Quand ça va être bien, je vais me demander un peu quand est-ce que nous serons mariés. C'est nécessaire d'abord que je sois divorcée, non? Divorcée, tu le serais déjà si tu le voulais. Je t'ai déjà dit que Philippe, il a refusé. N'est pas vrai. C'est pas vrai? N'a pas refusé pour la raison qu'on ne lui a pas été demandé. Qui te l'a dit? L'avoué me l'a dit. Tu lui as demandé? Si, ce matin. Que tu peux dire? Bueno, importaba que yo supiera. Bueno, sta bien. Sta bien. Monsieur et madame prendront du café? Oui. Pour moi, un petit lieu. Pas de liqueur? Non. Christine, pourquoi? Tu dois comprendre que c'est une situation que moi, je ne peux plus y rester. Tu veux me dire qu'est-ce qui va changer si moi je t'épouse? Mais tout va changer! Mais tout va changer! Alors moi je ne serai plus les gigolos. Ce serai les maris comme les autres. Les gigolos, ça c'est, ne veut plus être. Et ça déjà, j'ai trop souffert dans le passé. Mais ce n'est pas été élevé à ça, moi. Quand je pense à ma pauvre mère qui est là-bas, Salima. Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Que tu m'avais promis que nous serions la voir tous les deux. Oh, depuis longtemps que tu ne m'avais pas parlé de ta mère. Ma mère, il est ma mère et j'étais pris de la respecter. Eh? Le tilleul pour madame. Non, pour monsieur. Carlos. Quoi? Tu m'as encore pris mon saphir. Quoi? J'avais oublié sur la table. Je ne l'avais pas oublié du tout, c'est toi qui te l'ai pris. Rends-le-moi. Hein? Rends-le-moi. Madame, les voilà. Les voilà. C'est vraiment un peu fort. Mais tu n'as pas raison de les porter. Hein? Oui, je le sais. Pourquoi? Les saphirs n'est pas une pierre des femmes, ça. C'est une pierre d'hommes. Tu me l'as déjà dit. Je t'ai répondu que je te le donnerai le jour où nous allons nous quitter. Ça, ça va. Je n'en veux pas, moi. Toi, t'as, tu sais. Il est très beau. Je peux en avoir un tout beau si je les veux, moi. De la dame derrière, tu devrais essayer, je crois que tu lui plais beaucoup. Toco, pauvre Carlos. Oh, pauvre Carlos, pauvre Carlos. Bonsoir, madame la comtesse. Bonsoir, Antoine. Dites-moi, qui est donc ce jeune homme en face? Monsieur Carlos Pinto, madame la comtesse. Ah, voilà. Je cherchais son nom. C'est lui qui était avec Mrs. Gerst l'année dernière. Oui, madame la comtesse. Et l'année d'avant avec madame von Kempen. C'est ça, madame la comtesse. Il me semblait bien le reconnaître. Et qui est la dame maintenant? Madame Leroy Gomez, madame la comtesse. Argentine? Oui, madame la comtesse. Grosse fortune, sans doute. Oh, oui, madame la comtesse. Naturellement. Mais quelle étrange manière, par exemple. Ces personnes changent favorables ont vraiment une façon de traiter les hommes. J'écoutais leur conversation tout à l'heure, j'en étais gênée. Pas possible. Elle a été jusqu'à lui reprendre une bague qu'il avait au doigt. Vous m'avouerez que c'est d'un goût. Non, oui, ça ce n'est pas très gentil. Oh, après tout, puisque les hommes supportent ces façons de faire, aujourd'hui, les femmes auraient tort de se gêner. Ah, l'amour a bien changé, mon pauvre Antoine. Nos amants d'avant-guerre avaient une autre allure. Rappelez-vous le marquis? Non, ça. Il coûtait cher, c'est entendu, mais quel seigneur! Tandis qu'aujourd'hui, du menu fretin, voilà ce que l'on trouve. Mais forcément, Madame la Comtesse, il y a trop de concurrence. La quantité nuit à la qualité. Oh, ça, le gigolo ne manque pas. Mais l'autre, le grand aventurier qui avait de la branche de la tradition, c'est fini. Ou alors il se marie. À peine lancé, ils n'ont plus que cette idée dans la tête, se marier. Ce petit en face, tenez, je l'entendais tout à l'heure, il ne pense qu'à ça, lui aussi. J'ai peur, par exemple, que la dame ne le laisse pas faire. Elle n'a pas l'air d'en avoir très envie. Il y a longtemps qu'il est avec elle. Environ 3 mois, Madame la Comtesse. Eh bien, ça ne durera pas, Antoine. C'est moi qui vous le dis. Ça se peut bien, Madame la Comtesse. Il a cependant l'air gentil, ce petit, non? Oh, il est très gentil, Madame la Comtesse. Il a une jolie figure. Vous croyez qu'il lui est très attaché? Eh bien, j'ai idée, oui, Madame la Comtesse. Ah. Alors, vous pensez que pour l'instant, il est inutile de... C'est peut-être un peu tôt, Madame la Comtesse. En effet, c'est encore un peu tôt. Vous avez raison, Antoine. Comme toujours, d'ailleurs. Oh, Madame la Comtesse. Morne soirée, Antoine. Morne soirée. Oui, oui, oui. Ce soir, c'est un peu... Oh, voici autre chose. Oh, mais dites-donc, il est très bien, ce petit Laquies. Monsieur Jimmy Leroy-Gomez, Madame la Comtesse. Fort joli garçon. C'est un nouveau? Monsieur Jimmy? Oh, non, Madame la Comtesse. Il était ici l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'habitait pas l'hôtel, mais il y venait souvent. Comment se fait-il que je ne l'ai pas remarqué? Madame la Comtesse était peut-être trop absorbée l'année dernière. Ah, ça c'est vrai. J'étais absorbée, comme vous dites, Antoine. Terriblement absorbée. Croyez-vous qu'il a été ingrat, ce petit? Après tout ce que j'ai fait pour lui. Enfin, vous vous souvenez? Non, très bien. Oh, tenez, j'aime mieux ne plus y penser. Comme me dit toujours le comte, ma chère, vous êtes beaucoup trop bonne avec ces garçons. Il a raison, vous savez. Madame, de bonnes nouvelles de monsieur le comte? Ouais, il soigne son foie. À Vichy. Mais pour en revenir à ce monsieur, comment l'appelez-vous? Jimmy Leroy-Gomez, madame la comtesse. Il habite ici? Oui, madame la comtesse. Seul? Ah non, Madame la Comtesse. Naturellement. Avec sa mère. Il a une mère? Ah oui, Madame la Comtesse. Comme c'est gentil. Oui, oh, il est très surveillé. Mais elle n'est pas toujours là, sa mère. Non seulement, il est assez question d'un mariage avec une dame américaine. Allons bon, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous, enfin? Décidément. Je ferais aussi bien d'aller retrouver le comte à Vichy, moi. Ce serait dommage. Madame la comtesse vient à peine d'arriver. Il faut avoir un peu de patience. Monsieur Antoine, on vous demande à la réception. Non, c'est bien, j'y vais. Madame la comtesse m'excuse. Faites. Je vais voir un peu ce qu'il y a au bar. Eh bien, c'est ça, Madame la comtesse. Une dame qui vient d'arriver en auto, une américaine. Vous venez au bal, Christina? Au bal? Au bal de l'intérallié. Maintenant? Comment, mais il faut absolument que vous veniez. Vous aussi, Carlos. Ouais, nous n'avons pas reçu d'invitation. Oh, eh bien, je vous invite, moi. Maman est du comité, ce serait malheureux que je ne puisse pas inviter qui je veux. Et puis, ce sera très bien, vous savez, il y aura tout Paris. Et puis, il y a une tombola avec des objets magnifiques. Alors, vous venez, n'est-ce pas? Que dit-il, Carlos? Bon, alors, faut qu'ils aillent me changer. Moi, pourquoi je n'ai pas mis mon smoking? Mais moi aussi, je dois me changer. Bon, eh bien, vous ne savez pas, pendant que Christina va monter s'habiller, je vous emmène jusqu'à chez vous, je vous attends en bas, et nous repassons la chercher. Ça va comme ça? Ouais, je peux demander un taxi, mais moi. Mais non, puisque ma voiture est à la porte. Ma oui, va, Carlos. Bon, alors, c'est pour les merci, alors, merci. Commencez les sourires, hein? Ramène pas, c'est pas bien. M'attendez pas pour partir, maman. Je pars de mon côté avec Christina et Carlos. Comment? Elle emmène ce Carlos? Elle a pu me demander mon avis. Je suis très contente que Christina vienne, mais lui, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'ennuie vis-à-vis de la princesse qui nous avait bien recommandé de ne pas inviter n'importe qui. Si elle me demande qui c'est, je serai gênée. Eh bien, tu lui diras que c'est l'amant de ta belle-fille, voilà tout. Oh, comme c'est spirituel. Bien, mettons-nous là. Au lieu de t'occuper de ce garçon, tu ferais mieux de t'inquiéter de Jimmy. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait, Jimmy? Tu trouves ça intelligent, toi, ce flirt avec Nicole? Je ne trouve pas ça intelligent, mais je ne peux pas l'empêcher de se distraire un peu en attendant le retour de Dorothée. J'ai tout qu'elle ne revient pas vite, Dorothée. Non, c'est vrai. Soi-disant qu'elle ne pouvait pas rester sans Jimmy plus que 8 jours, et c'est déjà un mois que vous êtes là. Jimmy dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Oh, il ne connaît pas les Américaines. Ah, bon, Emmanuel. Bessier. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon grand. Non, il suffit que nous arrivions là-bas vers 11h. Ah, j'ai eu une visite avant le dîner. Ah oui, qui ça, mon grand? Philippe. Ah, et bien, moi aussi, n'est-ce pas, Clarisse? Oui. Et ta sœur également? Ah, ben, il fait la tournée complète, alors. Il venait aussi pour t'emprunter d'argent. Ouais, J'espère que tu as refusé. Ah ben, pour cause, tu sais ce qu'il m'a demandé. 1 200 000. Parfaitement, oui. Oui, il a demandé la même somme à tout le monde. Et tu sais pourquoi? Il m'a raconté une histoire d'automobile à laquelle je n'avais rien compris. Et d'ailleurs, comme j'étais bien décidé à ne rien dire. Il lui faut ses 1 200 000 francs pour empêcher sa Russe d'être arrêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, on l'avait chargée de vendre une voiture. Elle a commencé par partir dedans avec Philippe pour passer la Pentecôte à Deauville. Charmant, elle a accepté ça, lui. Elle lui avait dit que c'était pour essayer la voiture. Alors, arrivée à Deauville, elle le dépose à l'hôtel. Elle mène la voiture chez un garagiste et là, c'est avancé 1 200 000 francs dessus en disant qu'il veut la vendre. Bravo! Elle se précipite au casino avec les 1 200 billets. Oui, je vois la suite. Non, mais il paraît qu'elle voulait gagner 2 millions et rentrer à Paris après avoir remboursé le garagiste. Naturellement, elle perd. Alors, obligée de laisser l'auto en gage, de rentrer à Paris par le train. Pendant ce temps-là, le vendeur avait voulu voir sa voiture, ne l'avait pas trouvée. Là-dessus, enquête, drame, bref. Si l'auto n'est pas revenu demain, il dépose une plainte et fait arrêter Mademoiselle Louba. Voilà. Non, pourvu qu'il la dépose, sa plainte. Le jour où on l'aura débarrassé de cette créature, Philippe se décidera peut-être à revenir à sa femme. C'est qu'il n'a pas l'air de vouloir s'en laisser débarrasser. Il était dans un état pas rasé, la figure défaite, n'ayant pas dormi depuis 3 jours. Mon Dieu. Il n'y a pas à dire, il est sur mes vêtements, ton fils. Non, mais qu'est-ce que vous dites de cette idée de venir me demander 1 200 000 francs à moi? Non, mais à moi! Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui peut prêter 1 200 000 francs? Oh non, ça c'est vrai, tu n'en as pas l'air. Hein? Il faut qu'il soit devenu fou, c'est pas possible. Tiens, bonsoir, monsieur Manuel. Bonsoir, Antoine. Très heureux de vous voir ici, monsieur Manuel. Madame est en bonne santé? Comme d'habitude. Enfin, il n'y en a plus pour bien longtemps, c'est pour le début de juillet. Ah, tous mes compliments, monsieur Manuel. Antoine. Madame sait que Mrs. Freeman est arrivée. Non, mais quand? Il y a un petit moment, elle vient de Florence. Ah, ah. Qu'est-ce que tu dis de ça? Elle est seule? Oui, madame. Pas de Bella Rosa, vous êtes sûre? Non, madame, elle est toute seule. Ah, tu vois. Quoi, qu'est-ce que je vois? Mais elle est tout de même revenue. Où est-elle? Ah. Est-ce qu'on peut la voir? Elle est montée à son appartement, elle était un peu fatiguée. Mais quand je lui ai dit que madame et monsieur Jimmy étaient là, elle a dit qu'elle allait venir. T'as entendu? Ah. Merci, mon bon Antoine. Ce n'est rien, madame. Il faut tout de suite avertir Jimmy. Où est-il? On veut qu'il soit avec Nicole, naturellement. Manuel, mon grand, ce gentil va le chercher, veux-tu? Oui. Il doit être en train de danser. Manuel, ne lui dis rien. Je veux lui faire la surprise. T'inquiète. Eh bien, c'est ce même Jimmy qui avait raison. Attendons. En tout cas, elle n'épouse pas Bella Rosa. Ça n'est pas sûr. Si elle l'épousait, elle ne serait pas ici sans lui, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Devine qui vient d'arriver. Qui? Dorothy. Ah oui? C'est ça l'effet que ça produit? Ah, ben, tu sais, je m'y attendais. Ah, ben, tu es content? Eh ben oui, naturellement. Il faut absolument qu'elle vienne au bal. Eh ben, il n'y a qu'à lui proposer. Et Nicole, alors? Ah, c'est vrai, ça. Tu vois l'inconvénient d'avoir amené cette petite ici ce soir. Qu'est-ce que tu vas en faire, maintenant? Mais t'inquiète pas, maman, tout ça s'arrangera très bien. J'espère que tu n'as pas l'intention de continuer ce flirt ridicule devant Dorothée. Dis, maman, tu veux me laisser faire à mon idée? N'oublie pas que Dorothée est américaine. Ben, et après, elle est tout de même revenue, toute américaine qu'elle est. Hein? Ah. Ça, il a raison. Filia, qu'est-ce qu'elle voulait, ta mère? Dorothée vient d'arriver. Oh, tu vas pas pleurer, que tu veux fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Les vacances sont finies, voilà tout. Elles n'ont pas été longues, les vacances. Bah, un mois, c'est tout de même mieux que rien, non? Mais c'est fini, fini, tu es sûr? Mais j'en sais rien, moi, ça dépend comment les choses vont tourner. Est-ce que je voudrais qu'elles tournent mal? Ben, quoi ça t'avancerait-il? Si c'est pas elle, ce sera une autre, ça faudra toujours bien que je me marie. Mais enfin, ce n'est pas tellement pressé. Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors, il faut que je m'en aille, probablement. Mais non, pas du tout. Mais moi, j'aimerais mieux m'en aller. Mais tu veux pas que tu vas venir à ce bal? Elle n'ira pas, elle. Ben, je pense que si, mais c'est pas une raison. Alors, laisse-moi rentrer, Jimmy. Pourquoi? Si tu crois que ça me fait plaisir de devoir danser avec elle... Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu penses pas que ça me sera agréable? Ça ne fait rien. Laisse-moi partir, dis. Si je te demande de rester. Mais pourquoi faire? Ah, tu verras. Tiens, la voilà. Hello, bonsoir. Look at the dog. Here's the dog. Good evening. Had a good time over there. Oh, lovely. Oh, excellent. Merci. Hello, Jimmy. Hello, Dad. How are you? Fine, thank you. Il signor Francesco, comment va-t-il? Oh, très, très bien. Il vous envoie ses amitiés. Oh, merci. Vous connaissez Nicole? Ce n'est pas ce plaisir. Nicole Martin, une amie de ma sœur. Dorothée Freeman. Enchantée. C'est longtemps que vous vous connaissez? Nicole et moi? Oui. Ah oui, c'est presque une amie d'enfance. Ah, Nicky. Hein? Oh, Nicky, tu entends notre tango? Tu veux qu'on le danse? Si tu veux. Vous nous excusez, Dot? Mais comment donc? À tout à l'heure. Peut-être. Mm-hmm. Comment il la laisse toute seule? Ah, ça y va un peu loin. Si c'est une vraie Américaine, elle ne doit jamais lui pardonner. Je viens un peu lui parler. Je viens vous tenir compagnie, ma chère petite. Vous voulez bien? Mais certainement. Je suis bien contente que vous soyez revenue, Dot. Vous me manquiez beaucoup. Vraiment? Vraiment. J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Merci. Comme ça a été gentil, notre petit séjour à Pau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons été désolés d'être obligés de rentrer si brusquement. J'y vis surtout, naturellement. Qu'est-ce que c'est, cette Nicole? C'est une amie de ma fille, de Lily. Elles étaient ensemble en pension. Ah, elle est jolie, n'est-ce pas? Oh, très, très jolie. Et si gentille. Est-ce qu'elle a de la fortune? Oh, c'est-à-dire, elle a des espérances. De jolies espérances. Qu'est-ce qu'il y a entre elle et Jimmy? Pas grand-chose. Un petit flirt, probablement. Est-ce qu'elle est amoureuse d'elle? Oui, mais pas sérieusement. Et elle? Oh... Elle en est folle, naturellement, la pauvre petite. Alors pourquoi elle ne l'épouse pas? Quoi? Mais ça n'est pas du tout une femme pour Jimmy. Pas du tout. Et pourquoi? Mais parce qu'elle n'a rien. Rien de ce qu'il faut pour le rendre heureux. Je ne parle pas de la question d'argent, parce que ça, c'est une chose qui compte si peu pour Jimmy. C'est parce que c'est que l'argent. Dès qu'on lui propose une jeune fille avec une grosse dot, il refuse même de la regarder. Mais c'est si grave pour une mère d'intervenir dans ces cas-là. Supposez qu'il ait l'idée, malgré tout, d'épouser cette petite Nicole. Dois-je l'en dissuader? Dois-je lui conseiller d'attendre, de ne pas se décider encore? Et peut-être l'orienter d'un autre côté? Je ne sais pas. Vous devriez bien me donner un conseil, tenez, Dorothée. Mais... Oui. Oh, ça n'est pas que j'ai peur de prendre mes responsabilités. Ça, non. Le jour, par exemple, une femme qui aurait... Enfin, tout ce qu'il faut pour faire le bonheur de mon petit Jimmy viendrait me demander mon appui, je le lui donnerai tout de suite. Et de grand cœur. Il y a des circonstances où une mère n'a pas le droit d'hésiter. Seulement, voilà. cette femme-là existe-t-elle? Voilà. Et pourtant, quel mari ce serait. Son rêve, voyez-vous, il me l'a dit bien souvent. C'est de vivre en voyant le moins de gens possible. Entre sa femme et ses enfants. Des enfants? Oui. Des enfants? That's horrible, darling. I don't want children. Oh, mais pas tout de suite. Naturellement, pas tout de suite. Plus tard, quand ils auraient eu le temps de s'amuser un peu, de voyager. Ah, ça, Jimmy adore les voyages. S'il avait voyagé autant que moi, il n'adorerait plus. Oui, forcément. Vous savez, quand je dis qu'il adore les voyages, ce n'est pas une idée fixe chez lui. Ah non, on va dire qu'il y a surtout un pays qui l'attire, c'est l'Amérique. Alors ça, il en rêve. Quand Jimmy a dit New York, il a tout dit. Oh, New York, ce n'est pas l'Amérique, vous ne savez pas du tout même. Ainsi, moi, je suis de Boston, you're in some place. Just a little bit. Oui, bien sûr, mais nous, n'est-ce pas, nous ne faisons pas de différence. Ah. J'ai dit New York, j'aurais aussi bien dit Boston. Ce n'est pas du tout la même chose. Oh, je sais bien. Non, c'était simplement pour vous expliquer que Jimmy est vraiment très attiré par l'Amérique. Et que même l'idée d'y vivre complètement ne l'effraierait pas du tout. Au contraire. Quant à moi, il y a des mères qui se désoleraient de voir leur enfant partir aussi loin. Mais Dieu merci, je ne suis pas comme ça. Son bonheur avant tout. Je crois que ce serait très dangereux d'emmener Jimmy en Amérique, non? Dangereux? Oh, il y a beaucoup de jolies femmes à New York, vous savez. Alors ça, vous ne connaissez pas. Du jour où il sera marié, aucune autre femme n'existera pour lui, je peux vous le dire. J'en doute. Eh bien, vous avez tort, ma chère enfant. Jimmy a des principes, voyez-vous, et ça, c'est encore la meilleure des garanties pour une épouse. Peut-être. Vous ne me croyez pas? On peut seulement juger avec ce qu'on voit. Hein? Ah, je suis sûre que c'est ce petit flirt avec Nicole qui vous inquiète. Me? Oh, pas du tout, madame, non. Non, il m'inquièterait seulement si j'avais dans l'idée d'épouser Jimmy, mais ça ne compte pas, voyons. Oh, je vous demande pardon, je trouve que ça compte, moi. Mais savez-vous ce que je ferais si j'étais à votre place? Tout à l'heure, j'aurai une grande conversation avec lui. Mais puisque je voulais que je ne peux comprendre que je trouve cette histoire stupide, qu'elle me fait un peu de peine, et que vous avez mieux à faire tous les deux que de vous disputer à propos de cette petite. Malheureusement, je ne pourrai pas aller à ce bal. Qu'est-ce que vous dites? Je suis un tout petit peu fatiguée, je préfère me reposer. Dorothée, vous n'allez pas faire ça. Si, si, vraiment, je vais vous dire bonsoir maintenant. Dorothée, voyons, c'est stupide. Non, je vais vous dire bonsoir maintenant, c'est beaucoup mieux ainsi. Good night. Aren't you coming to the dance? No, I'm rather tired. Oh. Oh. Peut-être si vous voyez Jimmy, vous voudrez lui dire bonsoir de ma part. Je ne voudrais pas le déranger. Good night. C'est Dorothée. Good night. Allons, bon. Tu vois ce que je t'avais dit, ces choses-là ne prennent pas avec une Américaine. Jimmy, peux-tu venir? Vous savez qu'il est 11 heures passées. Ah, bah, t'en fais de belle, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Dorothée est furieuse de la façon dont tu viens d'agir avec elle et qu'elle ne veut plus aller au bal. Oh, bah, t'inquiète pas, je vais arranger ça. Tu feras bien d'être un peu gentil si tu veux la décider. Beu. Oh, ça n'y compte pas. On ne fait pas changer d'avis. Hein? Ah, une Américaine. Oh, oui, je sais, c'est entendu. Mademoiselle, sois gentille, veux-tu nous faire donner le vestiaire? Je tiens à vous dire, madame, que c'est Jimmy qui a voulu que nous allions danser. Vous auriez dû vous rendre compte, ma chère enfant, et ne pas s'inquiéter. Vous devriez l'empêcher de faire des choses qui risquent de compromettre son avenir. Oh, bien ça, alors? Il y a une demi-heure que je le supplie de me laisser m'en aller, qu'il ne me le permet pas. Bien, il fallait être plus raisonnable que lui et vous passer sa permission, voilà tout. Eh bien. Partez devant, je vous rejoindrai. Oui, mais est-ce qu'elle vient? Mais oui. Attends un instant, faut que je te parle. Eh bien, quoi? Ça t'ennuie qu'elle vienne, hein? Avoue-le. Moi? Je suis enchantée. Mais ça prouve que ça n'est pas une vraie Américaine. Oh. Écoute, Nicky, je t'avais demandé tout à l'heure de venir à ce bal, mais maintenant... Maintenant, il ne faut plus que je vienne. Qu'est-ce que tu veux? Elle a accepté d'y aller, que si tu n'y allais pas. Oh, bien tant mieux, j'aime autant ça. Tu veux que je te mette dans le taxi? Oh non, merci, ne t'occupe pas de moi. Ben, embrasse-moi. Ce n'est pas la peine. Quoi, tu m'en veux? Mais non. Va, il ne faut pas la faire attendre. Bah, tu vas l'en voir demain matin? Non. Pourquoi? Je te raconterai ce qui sera passé. Ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Va-t'en, va. Bah, tu viendras me voir. Je n'en sais rien. Oh, écoute. Bah, si tu viens, va pas plutôt 10h30 parce que j'ai rendez-vous avec le coiffeur. Hein. Allez, bonsoir, mon petit. Amuse-toi bien. Non, sois pas ironique, veux-tu? Eh bien, Jimmy, voyons. J'arrive. Oh. Il ne faut pas pleurer comme ça, mademoiselle. Je sais bien que c'est idiot. Bon, c'est plutôt que ça n'en vaut pas la peine. Je ne peux pas m'en empêcher. Bien, vous ne savez pas, il faut se mordre la langue à bon coup. Se mordre la langue? Oui, essayez. Encore. Plus fort. Ça va déjà mieux, je suis sûr. Bon, vous voyez, c'est infaillible, ce truc-là. Est-ce qu'ils sont partis? Oui, mademoiselle. Alors, vous voulez me faire demander un taxi? Tout de suite, mademoiselle. Un taxi. Voilà, mademoiselle. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, mademoiselle. Bonne nuit. Oh, ça? Ah, il faudra dormir. Sans ça, vous n'aurez pas bonne mine demain matin. Je tâcherai. Merci, Antoine. Ce n'est rien, mademoiselle. Ah, Antoine. Ah, bonsoir, monsieur Philippe. Eh bien, avez-vous réussi? Oh, pensez-vous. La famille m'a envoyé promener avec un ensemble touchant. Quant aux amis, les uns n'étaient pas chez eux, les autres se trouvaient, comme par hasard, un peu gênés en ce moment. Que voulez-vous, monsieur Philippe? C'était malheureusement à prévoir, ça. Oui, je sais bien. Ils n'ont qu'à désir, tous. C'est que je ne trouve pas assez d'argent pour que, bon gré mal gré, je sois séparé de Loubar. Mais ça, ils ne me connaissent pas. J'irai plutôt en prison à sa place. Oui, monsieur Philippe. S'il se figure que je vais l'abandonner dans un moment pareil, il se trompe. C'est moi qui vous le dis. Ils oublient une chose, c'est que c'est pour moi qu'elle a fait ça. C'est pas pour elle qu'elle a voulu plus d'argent. Elle vivait de rien avant de me connaître. Eh bien, je ne la laisserai pas aller en prison pour moi. Vous entendez, Antoine, on aura beau faire, je ne la laisserai pas. Ah, mais je comprends très bien, monsieur Philippe, mais... Oh, il me faut ces 1200 000 francs, il n'y a pas à dire. Si je pouvais, monsieur Philippe, ce serait avec plaisir. Vous pensez bien seulement 1200 000 francs... Oh non, Antoine, je ne vous les demande pas. Vous m'avez déjà prêté suffisamment d'argent. Non, c'est pas pour ça que je suis venu. Et alors, monsieur Philippe? Si j'en parlais à Christina. Oui, ça, évidemment... Je vous prie de croire que si je me résigne à ça, c'est que je ne peux pas faire autrement. Parce que demander de l'argent à ma femme pour sauver ma maîtresse, c'est une chose qui ne m'est pas précisément agréable. Mais que voulez-vous? Mais oui, monsieur Philippe, seulement elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais non, ils sont tous au bal de l'Interallié, madame Philippe, monsieur Pinto, mademoiselle Lily, enfin tout le monde. Décidément, le sort est contre moi. Ah oui, ce n'est vraiment pas de chance. Vous auriez venu il y a seulement 20 minutes, vous la trouviez toute seule chez elle. Monsieur Pinto était parti s'habiller, mais maintenant... Dieu sait à quelle heure ils vont rentrer. Puis alors, pour pouvoir lui parler. À moins que vous ne puissiez attendre jusqu'à demain, elle est souvent seule le matin. Mais si le vendeur n'a pas l'argent, ben 8 heures, il dépose sa plainte et Louba est arrêté, comprenez-vous? Ce n'est pas demain qu'il me le faut, là, c'est maintenant, là. C'est tout de suite. Mais oui, monsieur Philippe, mais où le trouver? Ça, j'en sais rien. Mais il me le faut. Oh, si j'avais des bijoux, je les vendrais, naturellement. Il y a longtemps que je n'ai plus rien. J'ai mis au clou ma dernière perle il y a 8 jours. Oh, d'ailleurs, pour ce qu'on en tire. Vous savez combien ils m'ont offert de mon bracelet de platine? Qu'est-ce que vous regardez? Non, rien. 300 000. Oh. Oui, 300 000, ils m'en ont offert. Et Christina l'avait payé 900. Mais je le sais, j'avais vu la facture. Vous connaissez la comtesse Polacki, monsieur Philippe? La comtesse Polacki? Oui. Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose. Pourquoi? Non, pour rien. Non, parce que je pensais que si vous l'aviez connue, vous auriez pu lui demander à elle de vous avancer cet argent. Ah oui, mais je la connais pas. Ah. Vous pourriez peut-être lui demander tout de même. Comment sans la connaître? Comment voulez-vous? Elle va me prendre pour un fou. Oh, mais non, monsieur Philippe. C'est une dame qui comprend les choses. Enfin, sous quel prétexte lui demanderais-je ça? Il n'y a pas besoin de prétexte. Elle a l'habitude. Hein? Oui. Oui, c'est une dame qui s'intéresse beaucoup aux messieurs, surtout quand ils sont beaux garçons comme vous, monsieur Philippe. Ah bon? Oui. Oui, justement, elle est toute seule en ce moment, elle s'ennuie. Vous pourriez peut-être essayer. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous rendre service. Oui. Il faudrait payer en nature, je suppose. Au moins un petit acompte, monsieur Philippe. Mmh. Oh, mais attendez, la comtesse Polaki, c'est pas une petite brune, là, bien mignonne, qui... Ah non, ça, c'est la jeune. Ah. Oui, celle-ci, c'est l'autre. Ah oui. Celle qui a une écurie de course, oh, elle est très connue. Et quelle... Enfin, comment est-elle? Oh, c'est une dame très gentille, très bien élevée. Oui, mais enfin, je veux dire, physiquement. Elle n'a pas dû être mal. Ah, oui. Quel âge? Oh, dans les... 40, 45. Pas plus, hein? Pas beaucoup plus. 40, 45... Enfin. Je vous offre ce que j'ai, hein, monsieur Philippe. Oui, oh, ça. Ben, naturellement, nous ne serions pas si pressés. Je ne vous dis pas qu'on ne trouverait pas mieux. Vous seriez venu à l'heure du thé, par exemple. Ah, il y avait déjà beaucoup plus de choix. Nous avions Mrs. Gers, qui est justement arrivée de New York, Madame de Colorado, la princesse Iskowski. Certainement que dans le nombre, il s'en serait trouvé une. Pour vous rendre service, seulement à cette heure-ci. Puis, alors, justement, ce soir, c'est le bal de l'interallié. Toutes ces dames y sont, ça, c'est plus que certain. Non, mais dites-moi, Antoine, vous êtes sûr que. Enfin, que ça l'intéresserait, celle-ci? Ah, pour l'intéresser, ça l'intéressera. Non, c'est plutôt la question du chiffre. 1200 000 francs, dame. Elle trouvera que ça les vaut pas. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur Philippe. Et non seulement, d'après le personnel ici, c'est une dame... Enfin, qui n'attache pas son chien avec des saucisses, comme on dit. Elle est plutôt serrée. Eh ben, c'est gai. Si j'avais quelqu'un d'autre sous la main, monsieur Philippe, ce serait avec plaisir, vous pensez bien. Est-ce que je peux la voir? Une seconde. C'est elle qui parle avec Jules, là-bas. En jaune? Oui. Oh là là. Je ne vous ai pas dit qu'elle avait 20 ans. Mais ça va être affreux, Antoine. Alors, il ne faut pas le faire, monsieur Philippe. Mais est-ce que j'ai le choix? Oh, mais tant pis, que voulez-vous? Alors, nous y allons. Allons-y. Vous verrez, de près, elle n'est pas si mal que ça. Hein? Non. Puis en tout cas, c'est une dame très discrète. De ce côté-là, vous serez tranquille. Oui, mais Antoine, vous allez lui dire un mot, vous, d'abord. Ah, ça, c'est difficile, monsieur Philippe. Ce genre d'affaire-là, voyez-vous, moi, j'essaie autant que je peux de ne pas m'en occuper. Oui, je sais. Une réputation si vite faite à Paris, alors, surtout dans ma situation. Oui, mais enfin, je pensais que pour moi, vous feriez une exception. Étant donné les circonstances dramatiques où je me trouve, je pourrais. Oui, enfin, il faut bien que ce soit pour vous, monsieur Philippe. Oui, autrement. Merci, Antoine. Bon, alors, dans ce cas-là, le mieux serait que vous alliez attendre quelques instants dans le jardin d'hiver. Pendant ce temps-là, je lui parlerai. Bon. Dites-moi, pas un mot de Louba, n'est-ce pas? Non, bien sûr, je dirais que vous avez perdu au jeu. Oui, c'est ça. Bon, je crois qu'elle vient par ici. Comment est-ce que je suis? J'ai pas trop mauvaise mine? Mais non, monsieur Philippe. Ah bon? Ah, monsieur Philippe, repassez dans un petit moment, vous irez vous asseoir un peu plus loin. Ah bon, pourquoi? Ben, pour qu'elle vous voie, monsieur Philippe. Ah oui, c'est juste, oui. Antoine. Madame la comtesse. Qui est-ce, monsieur? Monsieur Philippe Leroy Gomez, madame la comtesse. Encore un Leroy Gomez? Martin, quelle famille! Ah, ça oui. Mais je ne sais pas si je ne préfère pas celui de tout à l'heure, par exemple. Il avait de bien beaux yeux. Ah oui? Pourtant, en général, on préfère monsieur Philippe. On trouve qu'il fait... plus homme. Question de goût. Sûrement, madame la comtesse. Quelle morne soirée, mon pauvre Antoine. Il n'y avait personne au bar, madame la comtesse? Personne d'intéressant, en tout cas des Américains en train de boire. Quelques petits jeunes gens qui s'amusent entre eux. La misère, quoi. Au fond, je crois que je vieillis, voyez-vous. Oh. Ah, si, je ne m'amuse plus aussi facilement. Oh, madame la comtesse. C'est que je n'ai plus 20 ans, vous savez. Ni même 30. C'est vrai, madame la comtesse? Quel âge me donnez-vous? Eh bien, justement, nous en parlions à l'instant avec Monsieur Philippe. Ce monsieur? Oui, Madame la Comtesse. Mais il ne me connaît pas. Oh, si, Madame la Comtesse. Où d'où m'a-t-il connu? C'est-à-dire qu'il paraît qu'il a souvent cherché à se faire présenter à Madame la Comtesse, mais comme un fait exprès, ça ne s'est jamais trouvé. Tiens. Et vous discutiez mon âge? Madame la Comtesse m'excusera. Me voyons. Et quels étaient vos pronostics? Eh bien, moi, je disais dans les 37, 38. Et lui, M. Philippe, disait pas plus de 34. C'est vous qui étiez dans le vrai, Antoine. Il s'appelle Philippe? Oui, Madame la Comtesse. C'est un joli nom. C'est vrai qu'il est bien. Vous avez raison, Antoine. Il fait plus mal que son frère. Oh, mais ça ne se compare pas, Madame la Comtesse. Où est-il allé par là? Je ne sais pas, Madame la Comtesse. Il n'est pas parti, au moins. Oh non. Non, son par-dessus est là. Ah non. Il est assis dans le jardin d'hiver. Qu'est-ce qu'il attend là, tout seul? Il aura sans doute vu en passant que Madame la Comtesse était ici. Mais vous croyez vraiment que je l'intéresse tant que ça, Antoine? Si je pouvais répéter à Madame la Comtesse ce qu'il m'a dit tout à l'heure, elle n'en douterait pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, je crois qu'il vaut mieux qu'il le répète lui-même à Madame la Comtesse. Mais comment, puisqu'il ne m'a pas été présenté? Ah, c'est vrai. Oh, à moins que Madame la Comtesse ne consente à passer sur cette formalité. Ce n'est pas très correct. Qu'est-ce que vous croyez, Antoine? À cette heure-ci, Madame la Comtesse. C'est vrai. Il est toujours là. Comme il a l'air triste. Eh oui. Ça lui va bien, d'ailleurs. Pourquoi il est triste? Vous ne savez pas? Eh bien, je crois qu'il a des ennuis en ce moment. Ah? Quel genre d'ennuis? Mais il joue beaucoup. Et il n'a guère de chance, à ce qu'il paraît. Ouais. J'ai entendu dire qu'il avait perdu une certaine somme ces jours derniers. Voilà. Et comme il n'a pas de fortune personnelle, ouais. On dit même qu'il a perdu sur parole et qu'il n'a pas encore pu régler. Mais il n'a donc personne à qui emprunter. Monsieur Philippe, oh! Ah, alors, ce ne sont pas les relations qui lui manquent, il connaît tout ce qu'il y a de mieux à Paris. Eh bien alors? Oui. Oui, mais c'est qu'il est fier, Madame la Comtesse. Oh, il n'y a pas plus fier que Monsieur Philippe, alors probablement. Ça l'humilie de demander. C'est toujours une chose désagréable de demander. Mais ça, c'est bien vrai. Mais par exemple, la personne qui lui rendrait service, ça, je peux dire qu'elle n'obligerait pas un ingrat. Oh, ce n'est pas un de ces petits jeunes gens comme il y en a tant. C'est un homme qui a de la conscience, Monsieur Philippe. Et tel que je le connais, il serait capable de s'attacher très sérieusement pour une chose comme ça. De quelle somme s'agit-il? Oh, il ne s'agit pas d'une bien grosse somme. J'ai entendu parler de 1200 000 francs. Et vous trouvez que ça n'est pas une grosse somme? Ah, c'est-à-dire, ça dépend des disponibilités qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, si une de ces dames comme Mrs. Gers ou Madame de Colorado savait ça... Ah, ben justement, Mrs. Gers est arrivée de New York avant-hier. Ah? Oui, Madame la Comtesse, eh bien, je suis sûr qu'elle n'hésiterait pas une seconde. Ah, toutes ces dames américaines sont si généreuses toutes les fois qu'on leur signale une situation intéressante. Ces dames américaines ont des moyens que nous autres pauvres européennes n'avons pas. Mais bien sûr, Madame la Comtesse, bien sûr. 1200 000 francs, vous comprenez? Ah, mais je comprends très bien, Madame la Comtesse. Et encore, c'était en plusieurs fois. Bah, c'est une dette de jeu, n'est-ce pas, Madame la Comtesse? Une dette de jeu, c'est une dette comme une autre, ça se négocie. On offre une partie comptant et le reste par paiement échelonné. Peut-être, Madame la Comtesse, il n'y a que M. Philippe qui puisse vous répondre. Dans ces conditions, je pourrais peut-être envisager de lui rendre ce service. Mais 1200 000 francs. D'un coup, non. Ce serait de la folie. Mais si Madame la Comtesse voulait bien lui parler, ça pourrait peut-être s'arranger tout de même, je ne sais pas, moi. Eh bien, parlez-lui, vous. Qui ça, moi, Madame la Comtesse? Et vous viendrez me dire après ce qu'il vous aura répondu. Bon, Madame la Comtesse m'excusera, mais si je commence à m'occuper de ces choses, Dieu sait ce qu'on arrivera à dire que je suis ceci, que je suis cela. Non seulement je tiens à ma réputation, Madame la Comtesse doit bien le comprendre. Ce n'est pourtant pas à moi. Elle lui en a parlé la première. Et pourquoi, Madame la Comtesse? D'abord, je ne veux pas le froisser, ce garçon. Madame la Comtesse ne le froissera pas du tout, au contraire. Mais, et puis, comment l'aborder? Madame la Comtesse n'a qu'à faire semblant de croire qu'elle l'a déjà rencontré quelque part, enfin, ce qu'on fait habituellement. Non, je sais bien, mais je suis stupide, moi, pour ces sortes de choses. Bon. Je n'ai jamais su faire ça. Non, Madame la Comtesse. Vous pouvez bien lui dire que je serais ravie de faire sa connaissance. Ce n'est pas compromettant. Il faut bien que ce soit pour Madame la Comtesse, autrement... Appelez-le. Moi, je vais m'asseoir dans mon coin habituel, vous savez, au bar. Oui, je sais, Madame la Comtesse, je sais. On y est tranquille. Dites-lui que je le trouve très sympathique. Et envoyez-le-moi, n'est-ce pas? Mais c'est entendu, Madame la Comtesse. Enfin, je vais essayer de le décider. Et surtout, qu'il n'ait pas peur. Je ne lui veux pas de mal. Ah, alors... Elle ne veut pas. Mais si, mais si. Alors, pourquoi s'en va-t-elle? Elle va vous attendre au bar pour que vous puissiez causer sans être dérangé. Ah bon? Alors, elle accepte? Oui. Elle ne veut pas vous donner les 1200 000 francs d'aide. Ah non, non, c'est pas la peine. Elle les donnera. Elle dit ça parce qu'elle ne vous connaît pas encore. Non, mais vous êtes sûr qu'elle ne fera pas de difficultés? Mais non, elle n'en fera pas. Alors, je sens ça, vous savez. Elle vous fait dire de ne pas avoir peur. Ainsi, vous voyez. Alors que vous croyez vraiment qu'il faut que j'y aille, Antoine? Ça, M. Philippe, c'est à vous de décider. En tout cas, elle vous attend. Mais comment est-ce que je vais faire? C'est que j'ai pas l'habitude de commencer, moi, avec les femmes. Mais ne vous en faites pas pour ça, Monsieur Philippe. Allez vous asseoir à côté d'elle, le reste s'arrangera tout seul. Ah? Mais oui. Philippe! Tina! Ah, mais ça, par exemple, c'est une veine. Mais pourquoi toi ici? Eh bien, j'étais venu pour te voir, et puis... Pour me voir à moi, c'est vrai? Oui, oui, et puis Antoine m'a dit que tu étais sorti. Madame n'a donc pas été au bal? Oh, si, j'y étais, mais je me suis tellement ennuyée que je suis revenue. Ah, bon, et Monsieur Pinto? Il est resté avec Lily pour attendre la tombola. Ah, bien. Je suis très contente que je suis revenue. Eh bien, et moi alors? Toi, tu es content? Ah là, tu peux pas savoir ce que je suis content. Et alors, pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Oh, ben tu sais, la vie... Tu veux nous asseoir ici un moment? Oui, volontiers. Monsieur Philippe. Monsieur Philippe, vous n'avez plus besoin de la comtesse. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en vais toujours la faire attendre, à tout hasard. Merci, Antoine. Mais comme toi, mauvaise mine. Oui, oh oui, ça se peut, oui. Mais pourquoi, toi, cette mauvaise mine? Tu es malade? Non, non, non, non, ça, je suis pas malade. Ah, oh, mais j'ai tellement d'embêtements en ce moment. J'ai beaucoup d'embêtements. Ah là là. Pauvrecito. Et pourquoi tu n'es pas venu me trouver à moi? Bon, parce que tu es la dernière personne à qui je puisse m'adresser, voyons, Christina. Pourquoi? Est-ce que je ne suis pas ta femme? Bah oui, c'est justement et pour alors? Ça. C'est justement pour ça. Combien il te faut? Mais non, rien, rien. Oh, ne sois pas stupide, Philippe, et dis-moi combien elle te faut. Non, non et non. Je ne te le dirai pas. Je ne peux pas accepter d'argent de toi, surtout dans cette circonstance. Qu'est-ce que c'est la circonstance? Il me faut 1200 000 francs pour empêcher Louba d'être arrêté demain. Alors tu vois. Pourquoi on veut l'arrêter? Elle a commis une imprudence. Toi, tu as un stylo? Oui, pourquoi faire? Donne-le. Mais non, mais puisque je te dis que je ne veux pas, écoute... C'est assez, 200 000 francs? Mais oui, oui, mais je te répète que... À quel nom je fais le checker? Au porteur, ça vaudra mieux. Tiens. Oh, tu es très généreuse, Christina. Non. Oh, si. Oh. Ce n'est pas que je suis généreuse. Seulement que je t'aime, toi. Chère Tina. Je me suis pourtant si mal conduit avec toi. Mais ce n'est pas de ta faute. Moi, je n'étais pas assez jolie pour toi. Non, mais je n'ai pas ça. Oh, je sais, va, qu'elle est beaucoup plus jolie que moi. Mais non, je t'assure que je n'ai pas du tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Oh, tu pourrais pas comprendre. Pourquoi? C'est une chose que je m'explique à peine à moi-même. Quand nous sommes connus il y a 3 ans à Biarritz, tu peux pas savoir ce que je t'ai aimé. Et moi? Jamais aucune femme ne m'avait plu autant que toi. C'est vrai? Tu te rappelles le premier soir? Oh, tais-toi. Et ces 2 mois que nous avons passés ensemble, tu te souviens? C'était merveilleux. Oui. Et puis tu m'as demandé de t'épouser. Alors ça peut être la même chose. Et moi je croyais de te rendre heureux. Non mais bien sûr, ça tu m'as comblé. Tout ce qu'un homme peut souhaiter, tu me l'as donné. Mais c'est ça justement qui a tout changé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrais jamais aimer une femme qui m'entretient, moi. C'est pas possible, non. De l'affection, de la reconnaissance, oui. Mais de l'amour, non. Il n'y a rien à faire. Aussitôt que je lui dois tout, je n'ai plus qu'une idée, c'est de la tromper avec une autre. Tu comprends pas ça, toi? Non. Parce que tu sais pas ce que c'est, heureusement pour toi. Mais je t'assure, il n'y a plus d'une femme qui me comprendrait. C'est une chose qui tue l'amour, ça. Qu'est-ce que tu veux, je ne changerai pas, moi. Ce que j'aime, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça il y a 300? À ce moment-là, je ne savais pas. Puis tu oublies maman qui veillait au grain. Elle me tannait assez pour que j'épouse une femme riche. Ouf. Tu en aurais poussé une autre et moi, tu m'aurais aimé. Oui, évidemment. Si on savait. Mais quand on sait, tu vois, il est trop tard. Bon, il va falloir que je m'en aille, Tina. Déjà? Oui, tu sais, il commence à se faire tard. Et puis je suis bien fatigué. Pauvre. Alors, puisqu'il le faut. Mais qu'est-ce que tu as, Philippe? Non, ce n'est rien. La tête me tourne un peu. Mais Santa Madame, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais non, rien. Ça doit venir de ce que je n'ai rien mangé depuis hier. Il n'a rien mangé, Jesus mio. Mais non, c'est parce que j'ai pas eu le temps, voilà tout. J'ai tellement couru pour chercher cet argent. Et alors tu vas prendre quelque chose avant de t'en aller. Non, je m'arrêterai dans un bistrot avant de rentrer. Non, ici, moi je le veux. Antoine. Madame. Écoutez ici, maman. Figurez-vous que depuis hier, il n'a rien mangé. Non, c'est vrai. C'est pas possible d'avoir tout de suite quelque chose. Mais bien sûr, madame, au restaurant. Si vous voulez. Ou peut-être à l'appartement, parce que le restaurant à cette heure-ci, c'est pas bien gai. Où tu préfères? À l'appartement, non? Mais je ne veux pas te déranger. Me déranger? À l'appartement. Très bien, madame. Alors, un petit consommé pour commencer? Oui. J'ai du caviar tout frais arrivé de ce matin. Mettez-le. Non, mais c'est pas la peine. Mais c'est du caviar. Un peu de viande froide avec une petite salade de romaine. Oui. Et puis une petite compote pour terminer. Voilà. Non, mais c'est beaucoup trop. Comme boisson, une pommerie 55, comme d'habitude. Ah non, oui. Non, ça, surtout pas de champagne. Non, je le supporterai pas, non. Non, de l'eau, tout simplement. Alors, de l'eau. Mais très vite, Antoine. Tout de suite, madame, tout de suite. Tu viens, Philippe? Oui, voilà. Monsieur Philippe. Pour la comtesse. Ça va, elle peut aller se coucher. Antoine. Madame. Quand viendra Carlos, dites-lui que j'étais un peu fatiguée, que je suis montée me coucher. Bien, madame. Surtout, empêchez-les de monter. Ah, oui, madame, mais qu'est-ce qu'il faudra lui dire pour l'empêcher? Oh, dites-lui ce que vous voudrez, moi, ça m'est égal. Ah, oui, madame, mais s'il insiste. S'il insiste. Donnez-lui ça. Ça suffira? Oh, oui. Ah non, enfin, je veux dire, madame ne voudrait pas écrire un petit mot? Voilà. Merci bien, comme madame. Ça, c'est réglé. Ah, Antoine, mettez tout de même la bouteille de pommerie. Mais je l'avais mise à tout hasard, madame. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Jules, tenez passer cette commande et qu'on la monte au 204 aussitôt que ce sera prêt. 204? Oui, avec 2 couverts, hein. C'est prêt, c'est compté, prêt. Bien. Ah, madame la comtesse, justement, j'allais prévenir madame la comtesse. Il a un certain toupet de me faire attendre, comme ça, votre monsieur. Vous savez, Antoine? Ah oui, j'ai vraiment de chance, il a fallu qu'il rencontre sa femme. Ah, il est marié? En plus, c'est complet. Mais ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Certainement, ils avaient beaucoup de choses à dire. Charmant. Il me paraît inutile, dans ces conditions, d'attendre davantage. À la place de Mme la comtesse, moi, je sais très bien que j'irai carrément me coucher. Eh bien, je me souviendrai de cette soirée. Par exemple. Oui. Il y a des jours comme ça, on a beau faire, rien ne s'arrange. Je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir perdu mon temps à vous écouter. Vous jamais regretté d'avoir voulu faire une bonne action, Madame la Comtesse. Merci de vos conseils, Antoine. Ce n'est rien, Madame la Comtesse. Mais à l'avenir, vous voudrez bien adresser vos pauvres ailleurs. Bien, Madame la Comtesse. Bonne nuit, Madame la Comtesse. Bonsoir. On peut boucler, M. Antoine, ça m'a l'air terminé pour ce soir. Vous pouvez partir, moi, il faut que j'attende M. Pinto. Encore une commission agréable, celle-là, tiens. Ah, tenez, le voilà, justement. Ah. Bonsoir, M. Antoine. Regardez, Antoine, ce Carlos a gagné à la tombola. Picasso, c'est joli. Bon, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, madame, il est monté? Oui, oui, oh, monsieur bon. Carlos, elle m'a remis quelque chose pour vous. Pour moi? Oui, donc voilà. La lune, quanto mi averta, la lune, sans... Sapir. Il vous a dit de me donner les sapirs? Oui, elle a écrit quelque chose sur le papier. Adios para siempre. Christine. Alors elle veut me quitter, c'est vrai. Ah, ça, je ne sais pas, M. Carlos. Elle m'a seulement dit de vous dire qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher, qu'il ne fallait surtout pas que vous mentiez. S'il insiste, elle a dit, vous lui donnerez ça. Alors, comme je pensais que vous insisteriez, je préférais vous le donner tout de suite. Alors, c'est fini? Bon, ce n'est peut-être pas définitif, M. Carlos. Merci. Mais non. Merci. Mais non. Merci, merci, merci, hein? Bon, alors, je les sens bien, moi. Ouais. Depuis longtemps qu'il est passé de moi, hein? Et elle attendait seulement l'occasion. Et maintenant, il veut une location, hein? Moi, quelle disgrâce! Oh, mais il ne faut pas vous désoler comme ça, monsieur Carlos. Mademoiselle lui avait tout sacrifié. Mon honneur, ma réputation, tout. Et voilà qu'est-ce qu'elle fait avec moi. Et c'est toujours comme ça avec les femmes. Toutes, ils sont pareils. Vous exagérez, monsieur Carlos. Toutes ces dames ne sont pas comme ça. Moi, toutes, je vous dis, pas une qui vaut mieux que l'autre. Mais si, je suis sûr qu'il y en a de moins volages. Les moins volages. Mais une dame sérieuse et qui saurait apprécier un homme comme vous, un homme dévoué, tranquille, qui ne pense pas toujours à s'amuser. Vous en connaissez, vous, cette femme-là? Mais peut-être. Bon, alors vous voulez me dire où ils sont? Peut-être pas si loin que vous croyez. Demandez un peu à mademoiselle Lily ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que ça lui fait, ce que je pense? Est-ce que je compte, moi? Je ne suis qu'une petite couturière de 4 sous, moi. Mais ça n'empêche pas d'avoir un cœur. Les femmes, ils n'ont pas des cœurs. Non, ne parlez pas ainsi, Carlos. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ce n'est pas parce qu'une femme vous a déçu qu'il faut mal juger toutes les autres. Antoine a raison. Il y a des femmes capables d'apprécier un homme comme vous. Capables aussi de l'aimer. Mais, oh, non, oh non, oui, non. Je sais, je choisis mal mon moment pour vous dire que je vous aime quand vous êtes encore tout étourdi par le coup que vous venez de recevoir. Mais que voulez-vous? Je ne suis pas adroite, moi. On ne m'a jamais appris à l'être. Je me suis faite toute seule. J'ai trimé dur, allez. Je me suis dit, ma petite, si tu veux un jour avoir ta place au soleil et pouvoir choisir l'homme qui te plaise, il faudra te débrouiller toute seule. Oui, oh. La place au soleil, elle n'est pas encore bien grande. Mais patience, ça viendra. Quant à l'homme... Non, non, non, non, non, hé, hé, non. That's the first good-looking Frenchman I've ever seen. But he's not French, darling. Oh, yes, he is. No, he's not. I've asked Antoine already. Oh, what is he? South American. Oh, never mind. Let's make a try at him, huh? The both of us. Tout fait, ces Américaines. Ma parole, elle se croit tout permis. Allons ailleurs, voulez-vous? C'est insupportable. Vous venez, Carlos. Merci, si, si, si, merci. Oh! Did you hear what she said? Elles ont un toupet, ces Américaines. Come on, girls, let's go. It's yes, late. Come on, let's go to bed. Come on, girls. What a life! And this is Gay Parry. Either, darling. C'est pas pour ton fichu nez. Good night. Night. Hey, good night. Alors, vous êtes content, Jimmy? Ah, Dot, j'espère que vous n'en doutez pas. Vous croyez que vous serez heureux avec moi? Ah, mais bien sûr, Dot. Ah. Quand parlerez-vous à maman? Il faut que je lui parle. Ah ben oui, parce qu'il y a un tas de questions que vous réglerez bien mieux toutes les deux. Vous savez, moi, les chiffres... Bon, alors je lui parlerai demain. Bien. Oh, Jimmy, Vous croyez que vous allez vous plaire en Amérique? Oh, quelle question, mais bien sûr, Doc. Oh, Boston, ce n'est pas très drôle, vous savez. Peut-être vous allez vous ennuyer là-bas. Ah, mais je ne m'ennuierai pas, Doc, puisque je serai avec vous. Oh, darling. Mais nous irons aussi dans ma maison, le Palm Beach. Ah oui, mais à New York de temps en temps. Oh, New York, pas trop. Vous auriez trop de succès à New York, Jimmy. Ah, oh, be careful, voilà votre mamie. Ah, te voilà, Jimmy. Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes devenus tous les deux? Ben, nous sommes rentrés à pied. Ben, tu aurais pu me prévenir, alors. Nous vous avons cherché partout avec Clarisse. C'est extrêmement désagréable. Oh, il ne faut pas être en colère, madame, parce que j'ai quelque chose à vous demander. Alors, si vous êtes en colère, moi, je ne pourrai plus. Quoi donc? Je voudrais savoir si je peux venir vous voir demain pour parler de choses très, très importantes regardant Jimmy and I. Des choses. Comment? Jimmy! C'est vrai? Ben oui, maman! Oh, mes enfants, mes chers enfants, comme je suis heureuse! Mais quel petit cache-pied! Il m'avait rien dit, vous savez. Mmh? Depuis quand avez-vous décidé ça? En dansant le dernier blues. Non! Yeah. J'ai dit à Jimmy, voulez-vous être ma mari? Alors Jimmy m'a regardé en ouvrant de grands yeux. Il y avait de quoi, hein? And you give me a kiss, didn't you, darling? Yes, yes. And voilà. Eh bien, voilà une surprise. Une heureuse surprise. À quelle heure voulez-vous venir me voir demain matin, ma chérie? Vers 10 heures, si ça vous plaît. Entendu. Ah, maintenant, je vais vous dire bonsoir. Je suis un tout petit peu fatiguée. Mais je pense bien après une journée pareille. Vous voulez bien que je vous embrasse? Oh, mais certainly, darling, avec plaisir. Good night. Bonne nuit, ma chérie. Good night. Jimmy. Oui? Vous pouvez venir me dire bonsoir dans un moment. Où ça, là-haut? Oui. Oh, ça, je sais pas si je pourrais, vous savez. Pourquoi? Ben, à cause de maman. Oh, si! Il faut pouvoir, Jimmy. Oui, ben, je tâcherai. Je vous attends. C'est ça, oui. Bonsoir, mon trésor. Et bravo! Je suis très fière de mon fils. Ah. Dis-moi, qu'est-ce que t'as demandé en partant? Ah, d'aller lui dire bonsoir chez elle, tu penses? Oh, maintenant? Bon, parce que d'abord, il est minuit passé, puis moi, j'ai envie de dormir. Oh! Antoine, écoutez un peu. Je veux que vous soyez le premier à apprendre la nouvelle. Je vous annonce que Jimmy est fiancé, mon bon Antoine. Oh, et tous mes compliments, madame. Merci. Ça a été dur, mais nous y sommes arrivés tout de même. Je suis bien contente, vous savez. Bon, je le comprends, madame. D'ailleurs, j'étais bien tranquille avec Jimmy. Il est si avisé, si raisonnable. C'est un enfant, je puis le dire, qui ne m'a jamais causé que des satisfactions. Quel dommage que son pauvre père ne soit plus là. Il fait si content. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je prie pour un bon chiffre d'affaires. Ben, hein? Avec la maison de la coupure, Je n'aime pas beaucoup qu'elle se mette à fréquenter ce monsieur. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils sortent ensemble? Mais elle est folle! Ma fille sort toute seule avec cet individu? Oh, mais ça ne se passera pas comme ça, elle aura de mes nouvelles demain matin. Ah, et maintenant, ça, par exemple. Madame est injuste pour M. Carlos, il vaut mieux qu'il n'en a l'air. Lui? Mais qu'est-ce qui vous prend, mon pauvre Antoine? La réputation de M. Pinto n'est plus à faire, c'est un individu complètement taré. Enfin, c'est bien simple. C'est un homme qui vit des femmes. Voilà. Oui, madame, comment ça? On le dit de tant de ces messieurs. Alors, vous rentrez vous coucher, Antoine? Oui, madame. Je vais faire un petit tour à pied avant. Pour faire de l'exercice? Pour changer un peu d'air, madame. Bonne nuit, madame. Monsieur Antoine vient tout de suite, madame. Merci. Bien, donnez-lui le 12. On l'avancera si on peut, hein? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il me demande? Madame. Bon, très bien. Bon, dépêchez-vous, ça devrait être fini, ça, à cette heure-ci. Bonjour, madame. Je vous demande pardon de vous déranger à cette heure, Antoine. mais j'avais absolument besoin de vous parler. Mais ça ne fait rien, madame, tout à votre disposition. Je voudrais vous demander un conseil. Oui, madame. Mais c'est une chose très importante, hein, qu'il y va du bonheur de ma vie. Oui, madame. Vous savez à quelle heure il est parti, Philippe? Non, madame. À 8 heures ce matin. 8 heures, sapristi, madame doit être contente. Oh. Mais Antoine, je ne peux plus me passer de lui, vous savez. Ah, voilà. Mais c'est épouvantable comment je l'aime. Eh oui, madame. Jamais je ne pourrais aimer une autre maintenant. Oh, il ne faut jamais dire cela, madame. Je le dis parce que je le sais. Mm-hmm. Depuis 3 mois, je l'avais un peu oublié. Mais après cette nuit, Antoine, ce n'est plus possible. L'amour avec lui, c'est une chose que je ne peux pas vous expliquer. Ah, mais bien sûr, madame, bien sûr. Ces choses-là, n'est-ce pas, ça ne se discute pas. Mais je ne peux plus le laisser aller avec cette rousse, Antoine. Ça me fait trop souffrir. Oui, madame, voilà seulement comment faire. Écoutez, moi, j'ai une idée. Mm-hmm. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Mm-hmm. Monsieur Antoine. Oui, pardon. Qu'est-ce que c'est? Il y a Mrs. Gertz qui téléphone. Elle demande si au déjeuner de ce matin, c'est l'ambassadeur des États-Unis qu'elle doit prendre à sa droite ou Monsieur Jean Cocteau. Bon, dites-lui qu'elle m'envoie sa liste d'invités, je le placerai moi-même, ça vaudra bien. Bien. Madame m'excuse, mais à cette heure-ci. Alors, voyons, madame était en train de me dire... Voilà. Hier au soir, Philippe, il m'a dit une chose que sur le moment, je n'ai pas fait beaucoup attention. Mais qu'elle m'est revenue ce matin quand il est parti. Quoi donc, madame? C'est une chose extraordinaire. Vous savez pour quelle raison il a commencé de ne plus m'aimer à moi après le mariage? Non, madame. Pour la raison que moi, je lui donnais de l'argent. Pas possible. Pour lui, c'est une chose qui tue l'amour. La femme qu'il entretient, il ne peut plus l'aimer. Une autre, oui. Mais celle-là qu'elle fait les cadeaux, qu'elle paie les dépenses, il ne peut plus. Enfin, c'est drôle, non? Bah, drôle, si on veut. Au fond, c'est assez naturel que madame se mette à sa place. Comme moi, je dois tout à une femme, il a dit. Alors, j'ai envie de la tromper avec une autre. Ah, mais forcément, madame, c'est la règle. Bon. Alors voilà qu'est-ce que c'est que mon idée. Mm-hmm. Puisque si moi j'ai de l'argent, il ne peut plus m'aimer. Moi je vais me séparer de mon argent. Madame veut se séparer de son argent? Oui, je vais le donner. Ah oui, voilà, mais à qui? Ah ça je ne sais pas. Ah. À des œuvres. Sûrement que je vais en trouver une qui va accepter. Ah oui, oh. Non, ce n'est pas là la difficulté. Mais madame ne croit pas que c'est un peu risqué? Avant le mariage, il m'aimait. C'est seulement quand elles sont venues ces petites questions d'argent qu'il ne m'a plus aimée. Alors, si moi je n'ai plus d'argent, ben tout est bien de nouveau, non? Oui, enfin ça dépend des goûts. Mais moi je ne tiens pas à l'argent. Je tiens seulement à l'amour. Eh oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est ça l'argent? Rien du tout. Oui, évidemment, ce n'est pas grand-chose. Mais l'amour, ça oui, c'est quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas connu qu'est-ce que c'est, vous, Antoine? Guerre, madame. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, par exemple. C'est une chose splendide, Antoine. Je le crois volontiers, madame. Mais puisque madame me demande mon avis, en tout cas, moi, je lui conseille d'y regarder à 2 fois avant de donner sa fortune aux œuvres. Parce que ça vaut être des institutions charitables, elles ne vous rendent pas ce qu'on leur a donné. Mais moi, je ne veux pas qu'elles me rendent. Mais supposons que ça ne réussisse pas. Mais moi, je sais que ça va réussir. Ah, alors. Si pour la question d'elle physique, je ne lui plaisais pas, alors non. Mais de ce côté, je n'ai pas peur. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails, Antoine. Je ne les demande pas. Souvenez-vous que jusqu'à 8 heures, il était là ce matin. Alors, vous voyez... Oui, ça, je vois très bien. Mais si madame tient absolument à essayer ça, en tout cas, moi, je m'y prendrais autrement. Et comment? Eh bien, au lieu de se séparer de son argent, madame n'a qu'à dire qu'elle l'a perdu. Le résultat sera le même, enfin, ça permet de voir venir. Mais voilà! Mais comment moi je n'avais pas pensé à une chose pareille? Ouh, de quoi vous êtes intelligent, Antoine! Mais un véritable génie que vous êtes! Vous êtes bien bonne, madame! Oui, qu'est-ce que c'est? Madame la duchesse d'Olivarez voudrait vous parler au téléphone. Oh, dites à Jules d'y aller, moi je n'ai pas le temps. Mais comment je pourrais lui faire croire ça, Philippe? Eh bien, voyons, où madame a-t-elle sa fortune, si je peux me permettre de lui demander? Oh, c'est tout dans une banque à Buenos Aires que mon oncle, il est président. Alors ça, c'est ennuyeux. Pourquoi? On aurait pu dire que la banque avait fait de mauvaises affaires, mais c'est peut-être contrariant pour l'oncle de madame. Oh, mais ça ne fait rien. C'est un oncle, il est très vieux, il ne vient jamais ici. Bon, alors on peut dire que la banque est en déconfiture. En déconfiture? Oui, oui, enfin, pardon, en faillite. Mais voilà! Et que mon oncle aurait pris mes valeurs pour des spéculations qu'elles auraient mal tournées. Oui, simplement. Ah oui, mais comment moi je l'aurais appris? Oh, par une lettre. Ah oui, oui, mais si me demande Philippe et de voir la lettre, moi je ne l'ai pas. Eh bien, madame n'a qu'à préparer un brouillon, je le ferai taper au bureau. Ah oui, mais c'est que moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Malheureusement. Oh, si vous étiez assez bon de me dire en français, Antoine, et moi je vais traduire en espagnol. Ah, si madame veut. Et après, moi je vais téléphoner à Philippe qu'il est arrivé une chose épouvantable qu'il doit venir. Voilà. Mais vous allez me garder le secret, Antoine. Bien sûr, madame, bien sûr. Il faut que tout le monde à Paris, il croit que je suis ruinée. Sans ça, vous comprenez, ça ne va plus. Ah, mais on le croira, madame, on le croira. Les mauvaises nouvelles comme ça, on les croit toujours. Que je vous remercie, Antoine. Mais ce n'est rien, madame. À quelle heure vous allez venir? Bon, dans un petit moment, le temps de terminer ici. Bon, mais je vous attends, oui, hein? Madame. Dites-moi, Jules, vous avez parlé à la duchesse d'Olivares? Oui. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait? Retenir une table pour le déjeuner. Bon. Ah, et puis, elle aura des Américains, alors elle demande qu'on l'appelle Altesse Royale. Non, ça, c'est pas possible. Non. Ah non, non, non, ça, je lui ai déjà dit. Quand nous serons seuls, si ça lui fait plaisir, mais pas devant le monde. Moi, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un imbécile, hein. Bah, voilà M. Pinto qui s'amène. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Bonjour, M. Carlos. Bonjour. Vous voilà revenu? Oui. Oui, je suis revenu pourquoi? C'est quelque chose à vous demander, moi. Vous êtes bien rentré hier soir avec Mlle Lily? Ah, je vous en prie, hein? De ne plus me parler de cette femme-là. Allons, bon. C'est une créature sans honneur et sans loyauté. Pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, M. Carnot? Vous avez entendu qu'est-ce qu'elle m'a dit ici, hier soir? Oui, ça, je me souviens, oui. Bon. Comment j'ai vu qu'elle m'ait parlé comme ça? Je me suis dit, tiens, Carlos, n'est pas une raison pourquoi tu étais très attaché à Christina, qu'elle a trahi ton amour pour laisser passer l'occasion de te refaire ta vie avec un autre. Ah, oui. Bon. Alors, en arrivant à la maison, je lui ai parlé carrément. Je lui ai dit que son mari, je voulais bien être. Mais autre chose, non. Mais paraît que c'était clair. Sûrement. Bon. Alors la voilà qu'elle m'embrasse, moi. En me disant, je veux que tu sois heureux et tu les seras, je te les ouvre. Si moi, je me... Non, mais attendez. Si moi, je me... Alors, mais attendez! En même temps, me dit d'enlever du doigt le saphir de Christina. Me met à la plague une bague à elle. Une petite escarabée, qu'il n'avait pas de valeur. Que pour la signification, c'était pareil. Oh oui. Maman, je la remercie. Avec beaucoup d'émotion. Et... Ah, vous... Ah, si. Vous... Si, ah, oui, si, si, si, si, si. Et la voilà qu'elle ouvre la fenêtre et qu'elle crie au chauffeur de rentrer pourquoi il n'a plus besoin de la voiture. Vous voulez me dire qu'est-ce que moi, je pouvais faire? Évidemment. Oh. Quand je me suis réveillé, elle était déjà partie. Vers les 9h30, par gentillesse, hein. Je pense de lui téléphoner pour lui dire un petit bonjour et... Alors est arrivée la chose épouvantable. Quoi donc, Monsieur Carlo? En demandant les numéros, je tombe sur une conversation entre elle et sa mère. Que je comprends tout de suite que la mère, il parlait de moi. Et qu'est-ce qu'elle disait? De ne pas vous répéter, ça. Bien, monsieur. Oui, non, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas d'importance pour moi. Je les méprise. Oh, mais vous avez raison, monsieur. Alors est arrivée la réponse de Lily. Ah. Que je vibrais sans temps, que je l'entendrai encore. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Mama, elle a dit. Comme ça. Mama, je comprendrais que tu me dises tout ça. Si moi, j'avais l'intention de l'épouser. Mais ça, il n'est pas question. Ça, il n'est pas question. Vous avez entendu? Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous... Ah, ben, je comprends très bien, ça ne vous a pas fait plaisir, mais... évidemment. Et alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai seulement mis les petites escarabées dans une enveloppe. Et en arrivant ici, je l'ai déposé à son concierge. Rien de plus. Hein? Là, là, là, là, là. Jamais je ne veux la revoir. Ah, vous avez tort, monsieur Carlo. Ouais, qu'est-ce que vous me dites, là? Je me dis souvent, cette idée fixe du mariage, ça vous perdra. Mais pourquoi on ne veut jamais m'épouser à moi, à la fin? Pourquoi les autres et moi, non? Mais que voulez-vous, monsieur Carlo? Vous n'y changez rien. L'habitude est prise maintenant. C'est trop tard. Bon. Alors, puisque les maris, je ne peux pas être, alors moi, je ne serai plus au lien. Les femmes et moi, basta! Et alors? Alors quoi? Comment ferez-vous? Je veux travailler. Ah oui? Ah oui? C'est pourquoi je suis venu vous voir, vous. C'est pour vous demander de m'attrouver une situation. Non, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Mais ça ne se trouve pas comme ça, vous savez, une situation. Ah, mais j'ai pensé que vous avez tellement de relations, sûrement que vous allez me trouver quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire? M'est égal. N'importe quel travail. Pourvu qu'elle ne soit plus les femmes. Ah oui, ça va, voilà, ailleurs, il y a un apprentissage à faire. Alors, j'ai lui faire. Il y a été quelque chose que vous connaissiez un peu. Tapis à la machine, je connais un peu. Pourquoi me dictait son courrier, Mrs. Girls, quand elle était fatiguée? C'est déjà quelque chose, ça. Ah, ben, allez-vous parler l'anglais? L'anglais? Oui. Oh, madonna, je pense que je les parle. J'ai été une an avec Lady Osclay et 6 mois avec Mrs. Girls. Bien, alors, vous diriez-vous être secrétaire d'un lord anglais arrivé d'avant-hier à monsieur tout ce qu'il y a de bien, Lord Stilton, je crois qu'il s'appelle. Il a demandé à ce qu'on lui en procure un, si vous irait-il? Pourquoi non? Bon. Non, hé! Secrétaire est une situation honorable, non? Ah, oh, tout à fait, monsieur. Vous croyez qu'ils vont accepter à moi? On va essayer. Bon, alors quand est-ce que je peux les voir? Oh, bah, je vais faire prévenir, ou alors je vais tâcher d'y aller moi-même, comme ça je ferai un peu l'article sur vous. Ah, si, je vous remercie, oui. Allez faire un tour au bar, je vous ferai prévenir s'il peut vous recevoir, hein? Non, mais vous croyez que ça va réussir, ça? Mais pourquoi pas? Ah, oh, moi, j'ai si peu d'essence dans la vie, oh, moi. Oh, monsieur Carlo. Non, écoutez, non, non. Je veux pas aller au bar, non? Je vais aller mettre un cierge à la Madone. Peut-être qu'il va m'y protéger. Mamma mia! C'est extraordinaire, vous savez. Pardon. De penser que maintenant, je vais gagner ma vie en travaillant. Déjà, je me sens tout changé. Tant mieux, monsieur Carlo. Quel bonheur que je vous devrais, oh, Antoine. Oh. Que jamais je ne veux l'oublier. Aïe, Carlo! Oh, comment t'es va? Comme ça. Ah, j'étais pris de m'excuser, mais je suis très pressé. Je reviens dans un moment. Adieu! Il est toujours agité, ce pauvre Carlos. Bonjour, Antoine. Mes compliments, monsieur Jimmy. Pourquoi? Mais madame, votre mère m'a dit ah, que... Ah, oui, oui. Mrs. Bah, vous n'avez pas vu Nicole? Ah, non, monsieur Jimmy. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vous dis 10h30 hier soir. Méfiez-vous, monsieur Jimmy, ça ne plairait peut-être pas à Mrs. Freeman, ça. Quoi, elle n'a pas la prétention de m'empêcher de voir mes amis, je pense. Non, mais si, monsieur Jimmy. Qui est Nicole? Non, Mrs. Freeman. Ah, zut, soyez gentil, dites à l'entrée que si Nicole arrive, on la fasse attendre dans le salon de lecture. Bien, monsieur Jimmy. Merci. Good morning, Antoine. Good morning. Parlez, monsieur Jimmy, par hasard. Mais le voici justement, madame. Oh, merci, Antoine. Hello, Dad. Enfin, vous voilà, Jimmy. Ah oui, oui, mais voilà, oui, pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas chez votre mère? Ah, ben, j'étais chez le coiffeur. Ah, vous ne pouviez pas aller chez le coiffeur à un autre moment, non? Ah, non, non, c'est la seule heure où il pouvait me prendre. Mm. On s'embrasse pas? Non. Pourquoi? Parce que je dis non. Ah, bon. Jimmy. Oui? Look here, my boy. You don't suppose you are going to make a fool of me any longer, do you? Ah oui, seulement quand vous parlez à cette vitesse-là, moi, je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Si vous allez continuer à vous moquer encore longtemps de moi. Moi, je me suis moqué de vous? Oui. Quoi, c'est à cause du coiffeur? Non. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez très bien ce que je veux dire. Ah non, ça, je vous jure. Jusqu'à 2h, je vous ai attendu cette nuit. Ah, c'est pour ça. Ben, qu'est-ce que vous voulez, je suis navré, mais il n'y a pas eu moyen. Comment, il n'y a pas eu moyen? Ben non, non, maman n'a pas voulu. Vraiment? Ah, je vous jure. Oh, écoutez, Jimmy, si c'est une chose si affreuse pour vous que de venir me dire bonsoir dans ma chambre, c'est encore temps de ne pas nous épouser, vous savez. Oh, qu'est-ce que vous allez chercher? Oh, je sais ce que je dis. À Pau, c'était déjà la même chose. Vous aviez toujours des bonnes raisons pour ne pas venir. Comment de bonnes raisons? Oui. Pour jouer au golf ou pour aller en auto, ça n'y avait jamais d'empêchement. Mais pour venir me dire bonsoir dans ma chambre, ça y avait toujours. Ah, oh, ben ça s'est trouvé comme ça, voilà tout. Ah oui. Ben oui, oui, oui, oui. Mais moi, c'est pas pour jouer au golf ou pour aller en auto que je vous épouse, vous comprenez? Oui, ça, je sais, oui. C'est pour autre chose. Alors, si vous trouvez cette chose-là trop difficile, c'est mieux de le dire tout de suite. Parce que c'est très important dans le mariage. Est-ce que vous comprenez ça, Jimmy? Mm. Une friend, peut-être, ce n'est pas tellement important, mais en Amérique, oui. Chez nous, on se marie pour faire l'amour. Vous comprenez? Alors, si vous ne tenez pas tellement à le faire avec moi, c'est mieux de le dire tout de suite et pas m'épouser. Vous avez une façon de parler de ces choses, alors là... C'était nécessaire que je dise tout ça pour que vous savez où vous allez. Hein? Ah oui. Si vous voulez être vraiment un mari, comme sont tous les maris en Amérique, alors ça ira. Mais si vous voulez recommencer comme hier soir, alors ça n'ira pas du tout. C'est mieux de renoncer, voilà. Maintenant, c'est à vous de réfléchir et ensuite, vous me direz ce que vous avez décidé. Ce soir... C'est assez tôt. Maintenant, Je vais sortir. Je serai sans doute un tout petit peu fatiguée en rentrant. Et vous pourrez venir me dire bonsoir dans ma chambre, si vous voulez. Vous comprenez? Ah oui, ça j'ai compris, oui. Bon, maintenant vous allez venir avec moi pour m'aider à choisir les robes que je dois commander avant de partir. Ah non, ça maintenant je regrette, mais je ne peux pas. Pourquoi? J'ai rendez-vous avec un ami. Quel ami? Oh, vous ne connaissez pas. Où avez-vous le rendez-vous? C'est pareil, il va me téléphoner. Alors, vous n'avez qu'à laisser un message quand vous êtes sorti? Ah non, je ne peux pas faire ça, voyons. Si, vous non, pouvez. Non, il a quelque chose de très important à me dire, paraît-il. Non. Comment non? C'est peut-être important pour lui, mais pas pour vous. Une seule chose est importante pour vous maintenant, Jimmy. C'est de faire ce que moi je dis. Now, be a good boy. And do what I say. Mais non, mais je vous répète que je ne peux pas. Là. Et moi, je dis, je veux, commande, Jimmy. Non, Dot. Non. Alors, j'irai vous rejoindre plus tard quand j'aurai fini. Maintenant, je ne peux pas. Ah. Attention, Jimmy. Nous ne sommes pas encore mariés, vous savez. Oui, je sais. Oui. Vous avez tort, peut-être. Ah, ça se peut. Écoutez, je vais maintenant à la banque. J'ai pour un quart d'heure environ et vous pourrez venir me chercher. Mais dans un quart d'heure, je ne sais pas si j'aurai fini. Moi. Vous vous arrangerez d'avoir fini. En tout cas, je n'attendrai pas. De ma vie, je n'ai jamais attendu. Goodbye. Bye. Hey! Un quart d'heure. Bye. Ouh là là! Eh bien, ça va être gai l'existence. Chasseur! Monsieur? Allez demander à l'entrée, c'est pas du quelqu'un pour moi, une dame. Bien, monsieur. Jimmy! Oui, Marie, voilà. Dis, j'étais pris de m'excuser, puis tout à l'heure, j'étais très pressé. Bon. Dis, Antoine, il ne m'a pas demandé? Non. Il n'est vu personne, monsieur. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, chasseur! Est-ce qu'Antoine n'est pas là? Il est dans les étages, monsieur. Ah, bien. Qu'est-ce que tu lui veux, Antoine? Il doit me donner une réponse. Ah. Et là, il paraît que tu en fais de belles, toi. Ah. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait, moi? Ben, tu as enlevé Lily, hier, ce moment, tu es dans tous ses états. Premièrement, je n'ai pas du tout enlevé Lily. Secondement, je veux dire que ta mère, il commence à m'embêter à moi, hein? Oh, mais moi, ce que je te dis, ça m'est égal. Lily est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Mais moi, en tout cas, je n'ai rien à faire avec elle, moi. Sans blague. Ça n'a pas collé? Ce n'est pas la question de coller ou de pas coller. Moi, ce n'est mes soucis pas, Lily. Eh bien, mon vieux, tu as tort. D'abord parce qu'elle demanderait que ça, puis qu'au fond, c'est une bonne fille, Lily, t'aurais moins d'embêtement qu'avec Christina. Ma Christina, ou Lily, ou une autre, c'est pareil. Moi, j'ai fini avec les femmes. Tu as fini avec les femmes? Si. Oh, tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Non. Tu peux demander à Antoine, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? M'arrive que moi, j'en ai assez. Toutes les femmes, ils sont des menteuses, sans scrupules et sans délicatesse. Promettent toujours, et jamais ne tiennent. Profitent de ce que nous sommes sans expérience. Pourquoi trop jeunes? S'amusent à nous abaisser, après nous méprisent. Des esclaves, voilà ce qu'ils font avec nous. Toujours à la disposition, jamais de liberté, jamais de respect, jamais d'affection. Et quand tu leur as tout sacrifié, ton honneur et ta réputation, alors ils ont assez, prennent une autre. Eh ben, c'est pas gay ce matin. N'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis, moi, tu... Ben, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je vais te dire qu'est-ce qu'on peut y faire. On peut s'en passer, les femmes. Qu'en penses-tu et comment? En travaillant. Et c'est ça que moi, je veux faire. Tu vas travailler? Je vais entrer comme secrétaire d'un lord anglais. Non? Si. Eh ben, c'est pas très rigolo. Tu crois que c'est rigolo, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, moi? Je te dis pas, mais tout de même. 100 000 fois que je préfère de travailler pour gagner ma vie. Mais alors, toi, tu es ton maître. Quand ta journée est finie, tu fais ce que tu veux. S'il te plaît de sortir, tu sors. S'il te plaît de rester, tu restes. Que si tu t'ennuies tout seul, n'est pas difficile de trouver une petite amie qui a ses soirées libres. Alors, quand toi, tu as envie de faire l'amour, tu les fais. Mais quand tu n'as pas envie, surtout, tu ne les fais pas. Oui, oh, ça a du bon, je le reconnais. Oh, c'était les ours. Oh, pauvre Simi. Si moi, je pouvais te raconter Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai supporté, toutes les misères, toutes les humiliations. Non, madonna mia, mais je sais que toi aussi tu me dirais assez pour moi, basta, basta con las mujeres, hombre. Eh ben, t'en as de bonnes, toi, tiens. Voilà. Je suis fiancé, moi. Fiancé? Ben oui, depuis hier soir. Avec l'américaine? Ben oui. Bah non. Bah si. Jimmy. Quoi? Ne fais pas ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais la plus terrible de toutes, elle est l'américaine. Ça, je te l'ai dit, moi. L'anglaise n'est pas si mauvaise. Pourquoi tu as en général une bonne éducation? Et puis, il n'a pas l'habitude que l'homme, il s'occupe d'elle. Alors, si tu es gentil, c'est les reconnaître. La française, assez bonne. Pas beaucoup dépensière, mais fidèle. L'Argentine, così, così. L'espagnol, ça je ne sais pas, mais ça ne voit presque pas. L'italienne, tu, pas sûr. Un jour très passionné, très éprise. Et le lendemain, fouta, ne te connais plus. L'allemande, excellente, la meilleure de toutes. Ce n'était pas la question du physique qui... L'américaine... Mais épouvantable! Je préfère dépasser 10 ans de ma vie avec une autre que seulement un mois avec une américaine. Et ça, hein, je l'ai dit par expérience. Pourquoi l'an passé, j'étais avec une, moi? Mrs. Girst? Si! Aïe, aïe! Un véritable enfer que c'était ma vie à moi. Non, à ce point-là? Que si on me donnait 30 millions, je voudrais pas recommencer, moi. Elle a pourtant l'air gentille. Ah, ici, oui. Ah, dis-moi, pourquoi ici ne se montre pas comme ils sont vraiment? Mais là-bas, tu m'as ma que calamidade. D'abord, jusqu'au dîner, tu ne dois pas sortir. Alors donc? Pourquoi dans ces pays, tous les hommes, ils travaillent? C'est l'habitude. Alors ceux qui ne font rien, ils doivent rester chez eux pour qu'on pense qu'ils travaillent aussi. Sinon, ils seraient méprisés. On blague. Ah oui, mais dis, les femmes, ils sortent, se promènent, déjeunent les unes avec les autres, vont dans les magasins, s'amusent toute la journée. Hein. Mais toi, non. Enfin, tu peux toujours aller au cinéma. Les femmes, oui. Mais si toi, tu allais, on pourrait te rencontrer. Oh, zut. Seulement les soirs, tu as le droit de sortir. Alors, tu vas dîner chez des amis, qu'il y a beaucoup de cocktails, que les gens, ils parlent tous ensemble, et jamais à toi. Et quand tout le monde, il est ivre, te fais signe, ta femme, qu'il veut rentrer. Et commence à t'insulter dans la voiture pourquoi tu n'es pas suffisamment amoureux. Et c'est comme ça tous les jours. Et un beau matin, en te réveillant, on te donne une lettre que ta femme il est partie à Palm Beach et que toi tu dois aller voir les l'ailleurs. Et oh. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ailleurs. Oui, ben l'ailleurs. L'ailleurs. L'ailleurs, c'est une espèce d'avocat. Bon, ben, alors? Alors t'es dit les l'ailleurs que tu dois retourner en Europe et te donne les billets du bateau. Ça veut dire que ta femme, il a trouvé une autre. Si tu refuses de partir? Moi, j'ai refusé. Et alors? Alors, le lendemain est venue la police. Qu'elle m'a demandé mes moyens d'existence. Et là-bas, tu ne peux pas dire que tu as un ami, ça n'est pas reconnu. Alors j'ai eu assez, moi, et je suis parti. Et 2 mois que j'étais obligé de me soigner en arrivant ici. Pourquoi j'avais l'estomac démoli par les cocktails? C'est charmant, ça. Ah oui, on n'est pas un pays pour nous, ça, Jimmy. C'est quoi? Oh, si tu y bats tous les braves, hein? Ben, il faut bien que j'y aille. Oui. Alors, moi, j'étais plein. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis, fais comme moi, hein? Travaille. Oui, on... Pourquoi tu ne te maries pas avec cette petite Nicole qui l'a laissée gentille? Ben, pourquoi? Parce que nous n'avons pas un franc, pardi. Déjà, elle travaille avec ta sœur, non? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, ça? Et un commencement! Petit à petit, va augmenter sa situation. Mais au bout de combien de temps? L'argent, c'est pas le bonheur, Jimmy. Hmm? Mm-hmm. Et mieux pour toi de te priver un peu avec celle qui te plaît que d'avoir tout ce que tu veux avec une autre. Pourquoi ça, tu le payes trop cher. Quoi? Mais ne me répète donc pas ça tout le temps. Si tu crois que c'est un moyen de me donner du courage. Bon, alors moi, je n'ai dit plus rien, moi. Allez, va. Ça veut dire un tôt. Ah, monsieur Antoine vous fait dire que vous pouvez monter voir ce monsieur, il vous attend. Ah, bien, bien. Quel numéro de la chambre? 96, donc je vais vous accompagner. Si. Hasta luego, Jimmy. Bah, tu sais, j'étais plein, moi. Oula. Quelle heure est-il? 10h25, monsieur. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Il y a une demi-heure que je t'attends, moi. J'avais un travail fou au bureau, je suis venu en courant. Mais tu sais, je ne pourrais rester que 5 minutes. Mmh. Alors, ça y est, il paraît que tu es fiancée. Qui te l'a dit? Lily, ta mère lui a téléphoné ce matin. Je te félicite. Ouais, ça va. Tu es content, je pense. Ton nouveau chapeau, ça? Oui, s'il te plaît. Merci, oui, embrasse-moi. Mais tu es fou, voyons, tu oublies que tu es fiancée. Embrasse-moi, je te dis. Viens t'asseoir. Mais il va falloir viens que tu en ailles tout de suite. Oh. Écoute, Nikki. Quoi? Combien gagnes-tu chez Lily? 45 000. Par mois? Oui. Et puis, j'ai un 10% sur les commandes que j'apporte. Je me ferai dans les 750 000 cette année. En tout? Ah oui, naturellement. Oh là là là là là là là là là là là là. Tu trouves que ce n'est pas beaucoup? Oh, c'est dérisoire. Oh, mais pense qu'il y a un an seulement que j'ai commencé. Et puis j'ai mes robes qui ne me coûtent presque rien. Eh ben, manquerait plus que ça. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Dis, Jimmy. Pour rien. Qu'est-ce que tu as ce matin? Dis. Quoi? Tu crois qu'il me prendrait avec toi à la banque, ton parrain, si tu lui demandais? Jimmy, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Ben, ça veut dire que... Quoi? Oh, vite, Jimmy, tu me rends folle. Ben, surtout, va pas t'imaginer que c'est une chose décidée, hein. Je veux simplement me rendre compte si... C'est quoi? Ben, si en serrant un peu, tous les deux, on arriverait à étaler. Tous les deux? Oui. Oh, Jimmy, c'est vrai, tu veux? Je veux, j'ai pas dit que je voulais, tu t'emballes, là, tout de suite, je veux me rendre compte, là. Mais alors, Dorothée? Quoi, Dorothée? Tu ne l'épouses plus? Ah ben, hé, j'en sais rien, là. Oh mon Jimmy, mais c'est fou ça, c'est merveilleux. Mais doucement, tu recommences à t'emballer là. Il s'agit d'un projet, tu m'as compris? Avant tout, faut tâter ton parrain. Oui. Oh, je vais aller le voir tout de suite. Ah non. Oh, si je ne pourrais pas attendre. Si Lily m'attrape, tant pis. Je saute dans un taxi et je reviens te donner la réponse. Bon, ben alors, tâche de savoir ce qu'il en est d'abord pour commencer. Oui, ta mère le sait? Eh non, naturellement. Quand lui diras-tu? Il faut d'abord avoir la réponse de ton parrain. Puis... Quelle réponse? Bonjour, madame. Bonjour. Hein? Quelle réponse? Rien, je t'expliquerai. Alors, à tout à l'heure, Jimmy? Oui. Au revoir, madame. Vous ne travaillez donc pas aujourd'hui? Si, madame. J'étais venue un instant en passant. Vous savez que Jimmy est fiancé? Oui, madame. Alors, il serait préférable de venir le voir moins souvent maintenant? Bien, madame. Vous comprenez pourquoi? Oui, madame. Eh bien, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, Jimmy? Fais ce que je t'ai dit. Oh. Pas très intelligent de la recevoir ici, si Dorothée la prend. Et puis, quelle est cette réponse de son parrain dont vous parliez quand je suis entrée? Elle est allée demander de me prendre avec lui à la banque. Prendre avec lui? Oui. Pour quoi faire? Bah, pour travailler, quoi. Pour travailler? Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je crois que je ne vais pas épouser Dorothée, moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Nous avons eu une explication tout à l'heure et je me suis rendu compte que ça ne durerait pas 3 mois, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, elle a commencé par faire une scène parce que j'étais pas allé lui dire bonsoir dans sa chambre. Ah, tu le vois, je te l'avais dit. Mais tu veux rien, quelle idée de me trouver seule avec elle? Moi, j'en suis malade, là. Mais enfin, songe à la vie que tu vas avoir là-bas. Ah. Je me suis rendu compte en causant avec elle tout à l'heure qu'elle était encore beaucoup plus riche que nous ne pensions, tu sais. Mmh. La jalousie de tes amis quand ils vont apprendre ça. Et Clarisse, je me réjouis d'avance de voir sa figure. Ouais. Eh ben, tu tombes mal. Je vais avoir des renseignements sur la vie qui m'attend là-bas, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure. C'est une vie de galérien, ça. Qui t'a donné ces renseignements? Quelqu'un qui l'a amené, cette villa, puis qui sait quoi s'en tenir. Qui? Carlos. Carlos? Oui. Oh, je me demande un peu de quoi il se mêle, celui-là. En tout cas, tu peux pas dire qu'il y connaît rien. Alors, c'est lui qui t'a mis ses belles idées dans la tête? Ah, oh, c'est pas seulement lui. Ah, ben, c'est du joli. Alors, il ne suffit pas à ce monsieur d'essayer de séduire ma fille. Il faut encore qu'il entreprenne de débaucher mon fils. Pas parce qu'il m'a conseillé de travailler. Travailler? Mais est-ce que tu te rends compte, mon pauvre enfant, où ça peut te mener, de pareils conseils? Dis, est-ce que tu te rends compte? Et de quel travail seras-tu capable? Peux-tu me le dire? Oui, ça, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Ah! Oui, ben, il n'y a pas de quoi t'en vanter. Tu sais, si tu m'avais fait apprendre un métier, moi, j'en serais pas là. Un métier? Ouais. Mais pourquoi faire? Est-ce que tes frères ont un métier? Votre métier, c'est de vous occuper de vos femmes et de les rendre heureuses. Voilà. Un métier. Alors, comment feras-tu si tu n'épouses pas Dorothée? D'abord, Nicole gagne sa vie. Qu'est-ce que Nicole vient faire là-dedans? Si je l'épouse. Ce que tu dis? Ah ouais, t'avais pas compris ça? Tu épouserais Nicole? Oui. Tu dis, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Tu dis ça pour me taquiner? Mais non, moi je dis pourtant pour te taquiner. Oh non, c'est trop, je n'ai pas mérité ça. Il y avait déjà Philippe avec cette Russe, et maintenant celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, ton père et moi, pour avoir de pareils enfants? Bon, qu'est-ce que tu lui reproches à Nicole? Je ne veux même pas te répondre, tiens, c'est tellement insensé. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'avec ses airs de Saint-Titouche, cette petite intrigante arrivera à cet âge. Ah non, ça te trompe, elle est pour rien dans tout ça. Vraiment? Non, elle m'aime, voilà tout, et moi aussi, je l'aime. Eh bien oui, vous aimez, et puis après, est-ce que ça vous fera vivre? D'abord, Nicole se fait actuellement dans les 900 000 par an chez Lily. 900 000 francs. Alors, j'aurais lutté pendant 25 ans. Je me serais privé de tout. Pour t'aider comme tu l'as été. Et au moment où tu peux épouser une des femmes les plus riches d'Amérique, tu lui préfères une malheureuse qui gagne 900 000 francs par an. Eh bien, ça, vois-tu, mon enfant, ça n'est pas bien. Tu entends? Ça n'est pas bien, ce que tu fais là. Bon, enfin, c'est pas de ma faute si je peux pas la voir en peinture. Qu'est-ce que tu en sais? Tu peux bien essayer, en tout cas. Ah, oui, en tout cas. Si tu avances au-dessus de tes forces, eh bien, vous divorcerez, voilà tout. C'est ça, puis pendant cela, Nicole en aurait épousé un autre. Mais non! Mais si, mais je suis pas le seul, tu sais, la trouver jolie. Mais puisqu'elle t'aime tant que ça, elle peut bien t'attendre. Continue, mon enfant, fais-le pour moi, tant bon Dieu. Ou si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la mémoire de ton père, qui t'aimait tant. Et qui doit être tellement navré s'il voit de là-haut ce qui se passe. Mais prends modèle sur lui, mon enfant. Crois-tu que ça lui faisait plaisir d'épouser Clarisse? Mais pourtant, il l'a fait, lui. Parce qu'il le fallait. Mais c'est pas la même chose, d'abord, elle l'emmenait pas en Amérique. C'est entendu. Ah. Mais aussi, quelle différence de fortune. Car enfin, je ne devrais pas te le dire. Dorothée ne voulait pas que tu le saches maintenant. Mais tant pis, je vais te le dire tout de même. Nous avons causé tout à l'heure. Ah, et alors? Ce qu'elle propose comme arrangement financier est plus que convenable. Je peux même te dire que ça va au-delà de ce que j'espérais. Bon, enfin, qu'est-ce qu'elle propose? Enfin, quand je dis qu'elle propose, il n'y a pas à discuter. C'est à prendre ou à laisser. Ah, ça? Ben, voilà. Elle règle naturellement toutes les dépenses de la maison. Les voyages, les autos, enfin tout, quoi, tout. Toi, tu n'as à t'occuper absolument que de tes dépenses personnelles et des sorties quand tu es avec elle. Et pour ça, elle t'a fait une pension de 10 000 dollars. Par an? Non, mon chéri. Par mois. 100 blagues. Mais tu vois que ça vaut tout de même la peine de faire un petit effort. Non, mais c'est sûr, ça? Oh, oui. C'est ce qu'elle donnait à ses deux premiers maris. Alors, mon chéri, tu vas être raisonnable, n'est-ce pas? Tu ne vas plus penser à ces folies. Et Nicole? Mais Nicole est une brave petite qui comprendra très bien, j'en suis sûre. Faut-il que je lui parle dès qu'elle va revenir? Non, ça je t'en prie. Comme tu voudras. En tout cas, fais-lui comprendre qu'à partir de maintenant, sa présence ici est tout à fait indésirable, n'est-ce pas? Eh bien, Jimmy, réponds-moi, voyons. Hein? Oui. Il faut absolument que tu la vois. Et que je réprouve, naturellement. Eh bien, voilà, Tu t'achètes un peu gentil avec Dorothée, n'est-ce pas? Franchement, tu le peux, après ce que je viens de te dire. Où est-elle? Je vais pas aller te laisser commander des robes. Tiens, voilà Nicole. Bon, je te laisse seule avec elle. Tâche que ça soit pas trop long, cette conversation. Si Dorothée rentre, ça ferait le plus mauvais effet. Mmh. Venez, Nicole, venez, mon petit. Jimmy vous attend. Je n'aime pas beaucoup quand ta mère me parle de cette façon-là. C'est mauvais signe. Écoute, Nicky. Ah, bon. Quoi? On ne te donne pas la peine, ben, j'ai compris. Oh, du reste, je n'avais pas beaucoup d'illusions en partant. Je pensais bien qu'elle viendrait à bout de te retourner. Seulement, tu aurais pu vraiment m'éviter de parler à mon parrain, c'était bien inutile. Je suis désolé, mon équipe. Merci, tu viens bon. Je te jure que je suis plus à plaindre que toi dans tout ça. Ah, tu trouves? Ah oui, alors. Es-tu capable d'avoir un peu de patience? Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Dans 2 ans, je divorce et je t'épouse. Quelle histoire! C'est pas une histoire, je sais que ça marchera pas! Si tu le sais, pourquoi l'épouses-tu? Ah ben, j'ai mes raisons. Dans 2 ans, dans 3 ans, tout au plus. Ah, ça augmente déjà? Ben, je peux pas fixer ça un mois après, mais 3 ans, c'est un maximum. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura de changé dans 3 ans? Dans 3 ans, j'aurai des économies. Et alors, l'Amérique, ça finit, je te le garantis. Sur quoi feras-tu des économies? Sur ma pension, j'ai 10 000 dollars par mois. Tiens, veux-tu parier que j'en mets les 2/3 de côté? Oh, je voudrais bien te croire, Jimmy, mais... Il faut me croire. Tu le sais bien que tu es ma femme. Jimmy. Tu m'attendras? Je tâcherai. Tu dis? Oui, je t'attendrai. Jure. Je te le jure. Mais toi, tu me jures que tu ne te laisseras pas faire la cour par d'autres femmes. Penses-tu? J'aurais bien assez de la mienne. Oh, Jimmy, ça va être long, 3 ans. Oh, quoi, d'abord, c'est un maximum. Puis ça arrive souvent qu'un type soit obligé d'attendre 3 ans pour épouser une jeune fille parce qu'il n'a pas de situation. Eh bien, en somme, c'est exactement mon cas. Allez, maintenant, il faut que tu t'en ailles. Je te téléphonerai quand on pourra se voir, mais il vaut mieux que tu ne viennes pas trop souvent ici. Comprends? Naturellement. Embrasse-moi. Tu m'aimes? Tu le sais bien que je t'aime. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur Jimmy. Ah, il n'y a pas de mal, Antoine, pas de mal. Mrs. Freeman vient de rentrer, elle cause dans le vestibule avec Mme Leroy Gomez. Allons bon. Vous pouvez passer par le jardin d'hiver, mademoiselle. C'est vrai. Au revoir, Jimmy, tu me téléphones. Oui. Au revoir, Antoine. Au revoir, mademoiselle. Ma future femme, Antoine. Ah oui? Ah oui. Dans 3 ans. Ah, voilà, alors Mrs. Freeman, c'est... Non, c'est provisoire. Ah, ben, je comprends, oui, vous faites un extra... Si vous voulez, oui. Bien, mes compliments, monsieur Jimmy. Merci. Décidément, on n'a pas le temps de vous féliciter aujourd'hui. Ah, t'es seule? Bon, on va immédiatement trouver Dorothée. Elle est furieuse contre toi parce que tu n'es pas allé la retrouver. Il faut absolument que tu ailles t'excuser. Mais où est-elle? Elle est montée. Elle t'attend chez elle. Pourquoi chez elle? Elle m'a dit qu'elle se sentait un peu fatiguée, qu'elle allait s'étendre. Déjà. Comment? Non, rien. Je croyais que j'avais jusqu'à ce soir, moi, enfin. Tu vas tâcher d'être un peu gentil, n'est-ce pas? Mais oui. Oh, pauvre Antoine. C'est pas rigolo, la vie. Oh, c'est un moment à passer, monsieur Jimmy. Ben oui, 3 ans. Mais alors, quelle noce, Antoine. Oui, eh bien, dans 3 ans, je suis tranquille. Il aura pris des idées un peu plus raisonnables. Oh, Antoine, ses enfants, quel tracas. Enfin, on va là un de casé, malgré tout. Mais Philippe... Alors que je lui parle très sérieusement, vous savez, ça ne peut pas continuer comme ça. Christina finira par demander le divorce, c'est sûr. Justement, il est là-haut, monsieur Philippe. Où là-haut? Chez sa femme, madame. Non. Oui, il est arrivé il y a un petit quart d'heure. Pas possible. Oh, mais dites pas donc, Antoine. C'est un peu meilleur signe, ça. Tiens. Est-ce qu'il finirait par s'assagir et comprendre que son bonheur est auprès de sa femme? Oh, elle l'aurait bien mérité, la pauvre petite. Ah, il peut chercher, il n'en trouvera pas beaucoup qui la battent. Oh, sûrement, madame. Douce, dévouée, fidèle. Oui, enfin, fidèle, dans une certaine mesure. Mais elle avait des excuses, il faut bien le dire. Oh, oui, madame. Elle a une patience avec Philippe. Mais vous verrez, Antoine, elle sera récompensée. Il finira par lui revenir. Ça se peut bien, madame. Oh, j'en serais si contente, mon bon Antoine. Je ne sais pas ce que je donnerais pour ça, voyez-vous. Oh, je le comprends, madame. Seulement pour ce matin, c'est madame Philippe qui lui a téléphoné de venir. Ah, ah oui, mais enfin, il est venu. C'est déjà quelque chose. Oui, madame. Vous ne savez pas pourquoi elle lui a téléphoné de venir? Elle voulait lui montrer une lettre qu'elle a reçue ce matin. Une lettre? Une lettre de Buenos Aires. Oui, madame, des nouvelles pas trop bonnes, à ce qu'il paraît. Tiens, de sa famille? Ah, oui, madame, de son oncle, celui qui est président d'une banque. Ah, il ne va pas bien? Bah, c'est-à-dire, c'est sa banque qui ne va pas bien. Oui, elle a fait de mauvaises affaires. Ah. Et comme c'est là que madame Philippe avait tout son argent, forcément, elle est assez ennuyée. Oh, bon. Oui, mais enfin, ça n'est pas une chose grave pour elle. Je ne sais pas, madame. En tout cas, elle paraissait très préoccupée. Vraiment? Oh, elle répétait tout le temps, c'est la ruine. Quoi? Mais ça n'est pas possible, Antoine. Il paraît que son oncle aurait spéculé et finalement aurait tout perdu. Non. Mais alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, madame. Oh, Oh, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Mais décidément, nous n'en sortirons jamais. Si même avec ses fortunes argentines, on ne peut plus être tranquille, alors. Ah, ferme-lui bien, viens. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Magdalena. Bonjour, mes trésors, bonjour. Sais-tu ce qu'Antoine vient m'apprendre? Non, bonjour, Antoine. Bonjour, monsieur Magdalena. Christina a perdu toute sa fortune. Quoi? Mais oui, la banque où elle avait son argent à Buenos Aires a fait de mauvaises affaires et elle est ruinée. Quelle banque? Celle de son oncle? Oui, monsieur Manuel. Oh, nom de Dieu! Quoi? Mais tu peux me garder les enfants? Mais pourquoi? J'ai 3000 actions de cette banque en portefeuille. On m'avait dit que c'était une affaire d'or. Eh ben, je vais essayer de vendre, c'est tout ce qui me reste à faire. Ah ben, ça, par exemple. Et quand je pense qu'il y a des gens qui disent que j'ai de la chance. Oh, décidément, c'est la série noire qui continue. Dis, mamita, qu'il est allé, papa? Je ne sais pas, mes enfants, je ne sais pas. Allez, je veux plus loin, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous oui, en ce moment. Oui, oui, c'est ça, alors viens jouer avec moi, hein, les enfants. Tenez, on va jouer là-bas. Oh, maman, je te cherchais. Il arrive à Christina une chose très désagréable. Oh, oui, je sais, Antoine vient de me le dire. Elle est ruinée. Oui, à peu près. Mais aussi, comment a-t-elle pu confier tout son argent à son oncle? C'est insensé. Qu'est-ce que tu veux? Elle ne pouvait pas prévoir qu'il allait s'en servir pour spéculer. Ah, oh, elle ne pouvait pas prévoir. On prend ses renseignements dans ces cas-là. On ne raconte pas qu'on a sa fortune en valeurs argentines de tout repos pour se trouver ruinée un bon matin par un oncle indélicat. C'est trop facile. Enfin, ça la regarde. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu comprends bien que je ne vais pas abandonner Christina dans de pareilles circonstances. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Écoute, mon devoir est de rester auprès d'elle. Ben voilà. C'est bien ton avis, je pense. Moi, mon enfant, je n'ai pas de conseils à te donner. Tu es seul juge. Je trouve seulement qu'étant donné la conduite de Christina ces temps derniers avec ce Carlos, tu aurais certains motifs de te montrer moins généreux. Non, non, nous avons décidé d'oublier tout ça. Ah, alors. Eh bien, mon enfant, je te félicite. C'est très beau ce que tu fais là. C'est pas très intelligent, mais c'est très beau. Ah ben, c'est assez naturel, non? Oui, bien sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce que devient dans tout ça cette jeune femme russe? Qui est Luba? Oui. Tu la quittes, probablement? Mais forcément. Oui. Oh, pauvre petite. Enfin. Oh, tu sais, je suis pas inquiet pour elle. Grâce à Christina, j'ai réussi à arranger l'affaire de la Jaguar, c'était le principal. Puis elle se débrouillera, elle a l'habitude, tandis que Tina, toute seule, sans argent, qu'est-ce qu'elle deviendrait si je l'abandonnais? Mais alors, c'est toi qui vas la faire vivre à présent? Dame, oui. C'est inouï. J'ai pensé que Lily pourrait peut-être me prendre chez elle. Ah! Ah, parce que toi aussi, tu veux travailler, bien entendu. Ben, il faudra bien, oui. Décidément, c'est une épidémie. Monsieur Philippe, madame vous cherche. Ah, bon, prévenez-la que je suis ici. Dis-moi, dis-lui quelque chose d'affectueux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ben, je ne sais pas, mais enfin qu'elle sente ta sympathie, voilà tout. Philippe, il vous a dit, signora. Ah, oui, il m'a dit. Quel malheur, n'est-ce pas? Ah, ça, vous pouvez le dire. Comme malheur, on ne fait pas mieux. Je vous plains beaucoup, ma chère enfant. Merci. Vous avez vraiment tout perdu? Oh, presque tout, oui. Charmant. Enfin, ça vaut mieux que de se casser la jambe, dit-on. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça n'est pas si sûr que ça. Parce qu'une jambe cassée, ça se répare. Tandis qu'une fortune perdue, ça ne se répare pas. Je vous demande pardon, mais il faut absolument que j'aille voir ce que deviennent les enfants de Manuel, qui est parti comme un fou en me les laissant sur les bras. Antoine, madame. Où sont les enfants? À côté, madame, il s'amuse. Bon, j'y vais. Mrs. Freeman vient de téléphoner que madame n'attend pas monsieur Jimmy pour le déjeuner. Il restera avec elle pour lui tenir compagnie. Oh, à la bonne heure. Celui-là, au moins, me reste. Elle n'a pas l'air très contente, la signora. Oui, mais tant pis, ça lui passera. Tu n'es pas trop fatiguée? Tu ne veux pas te reposer? Non, ça va très bien. Bon. Enfin, c'est-à-dire que ça va aussi bien que ça peut aller dans un moment pareil. Bon, alors veux-tu que nous allions déjeuner tous les deux quelque part où on soit tranquille? Ah oui, enfin, si tu veux, parce que moi, je n'ai pas beaucoup faim. Bah oui, mais enfin, il faut tout de même se nourrir. Oui. Tu as la voiture? Oui. Alors, on la prend? Oui. Ah, bon. Au revoir, Antoine. Au revoir, monsieur Philippe. Au revoir, madame. Antoine, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je n'ai pas réussi? On le dirait, madame. Vous voyez, moi, je le savais. Oui, seulement, madame ferait bien d'écrire un petit mot à son oncle pour l'avertir, parce qu'il a pris quelque chose depuis ce matin. Vous avez raison, je vais le faire, pauvre homme. Eh bien, Tina, tu viens? Voilà, mon chéri. Thank you. Monsieur Carl. Eh bien, vous avez vu Lord Stilton? Ça n'a pas marché. Oh, pourtant, quand je l'ai quitté, il avait l'air tout disposé à vous prendre comme secrétaire. Vous appelez ça un secrétaire, vous? Ah, ben. Comment? Alors, je préfère encore les femmes. Oh. C'est donc pour ça qu'il me demandait si vous étiez brun ou blond. Ah, c'est vrai. Oh, je me disais aussi. Ah, ça, je suis désolé, monsieur Carlos, je ne me doutais pas de ça autrement. Je vous aurais tout au moins prévenu, ça ne plaît pas à tout le monde, ça, évidemment. Ah. Moi, ça ne me plaît pas, ça. C'est bien votre droit, monsieur Carlos, des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Eh bien, on tâchera de vous trouver autre chose, que voulez-vous? Manon, ça sera encore pareil, allez. Mais je les vois bien maintenant que pour un homme qui a les malheurs d'être un peu joli garçon, rester honnête, c'est pas possible. Ah, c'est difficile, monsieur Carlos, ça je le reconnais. Coucou! Non, qu'est-ce que c'est ça, coucou? Celle-là, au moins, j'espère que vous ne me la renverrez pas. Regardez, Antoine, si c'est beau. Oh, en effet. Et vous savez, vous pouvez chercher les défauts. Oh, ben, vous en avez la chance, monsieur Carlos, de recevoir des cadeaux pareils. C'est une âme de part. Comment elle ne vous plaît pas, cette dame? Moi, je n'accepte rien de vous. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai entendu qu'est-ce que vous avez dit à votre mère au téléphone? Ah, c'est pour ça que vous m'avez renvoyé le petit scarabée. C'est. Oh, quel enfant vous faites, Carlos. Antoine, donnez-lui la bague. Non, non, c'est inutile. Mais si, monsieur Carlos. Je vous dis que je n'en peux pas. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être trop exigeant dans la vie. Il aurait peut-être mieux aimé une perle pour sa cravate. Non, ça c'est des adeux, moi. Une belle parure pour sa chemise. Mais non, ça c'est aussi. Ah, est-il gâté tout de même? Antoine! Mademoiselle? Je viens jouer avec toi. Est-ce que Mélisson ne veut pas jouer, Mamita non plus? Comment maman est là? Oui, mademoiselle, à côté. Bonbon. Bonjour, Papélie. Oh, bonjour, mon chou. Écoute, Carlos, je te préviens que je file, moi. J'ai déjà eu une scène de maman ce matin, je ne tiens pas à recommencer. Alors, qu'est-ce que tu décides? Allez, donnez votre main, monsieur Carlos. Non. Allez. Mais pourquoi faire? Me donner toujours là. Montre, elle va bien comme taille? Si. Alors, tu veux bien venir déjeuner avec moi? Mais oui, il veut bien, n'est-ce pas, monsieur Carlos? À la bonne heure. Bon, voilà, maman, dépêchons-nous. Au revoir, Antoine. Merci. Ce n'est rien, mademoiselle. Allons vite, Carlos. Oui, bon, bah, Vous ne le regretterez pas, vous verrez, monsieur Carlos. Peut-être elle va les regretter. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Pourquoi je vous garantis que ça va me coûter quelque chose? Ah, je crois qu'on vous a appelé, mademoiselle. Alors viens avec moi. Non, mais je ne peux pas jouer, hein. Il faut que je travaille. Pépita,